En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 111 de la saison 2023-2024 de la soirée du podcast. Yeah. Yeah. C'est ambiance feutrée. Eh oui, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Et moi. Le numéro 98, Alex Galipeau. Et moi. Le numéro 88, Alex Crombe. Bonsoir. Et votre animateur, le numéro 75, Jeff Crombe. Dave est arrêté de prendre une gorgée ou de se replacer. Je suis pas rodé. Non, mais on est en début de saison. Encore début de saison. No more excuses. Oh. Ouais, pendant que la musique se termine comme ça. J'étais omnibulé par la petite musique. On va voir qui est bonne. Ça fait penser à Diane. Ah, c'est Diane Bibeau ici qui est les toilettes. Les toilettes. Sur un petit orgue là, pour enfants. Elle joue en haut. Elle arrête vite en crise. Hein? Ouais, ben Diane, ça niaise pas. Elle coupe ça. Faut qu'elle est fatiguée. Elle lève ses mains là, de là. Ouais. Diane n'a pas juste ça à faire. Elle a des orgues à vendre. Elle fait ça pour vrai? Ouais. Ben oui. Elle vend des orgues. C'est une Catherine. Ouais. J'étais mon prof de piano. Voilà. Okay. C'est pas une colle de folle. Et moi aussi, j'ai pris des cours. Ouais. Et c'est marquant. C'est pas des rumeurs. Voilà, donc. PC d'Ouest. Quand tu rentres dans ce magasin-là, là, tu le sais qu'elle est là. Okay. Oh, ouais. Tabarnak. Comme le tu Gaffier dans le chat qui meurt dans le background. Tout va bien à soi, encore une fois. Tout à fait. Elle a le droit de vivre. Diane? Le show et tout. Bon. Tu sais du monde qui regarde le show? Je sais pas, mais là, on a des alertes d'Adobe, là, de je sais pas quoi. Tout va super bien aujourd'hui. Voilà, donc. Bon, OK. Je vais juste vérifier. Est-ce qu'on rentre avec le volume? Eh oui, on est mic'é. Tout est beau. Tout est correct. C'est déjà arrivé, ça, dans le passé. Hein? Ah oui, plusieurs fois. On a commencé à 20 minutes. Sur plusieurs émissions, podcasts différents, c'est arrivé, tout ça. Voilà. Toujours ma faute. Donc, voilà. Commençons en remerciant. J'allais dire les Patreons, mais parce qu'on le dit pas peut-être assez, on a un Patreon, donc patreon.com/youngmedia, youngmedia.com, pas point .com, pourquoi je suis point .com? Youngmedia, patreon.com/youngmedia, voilà. Il y a 6 personnes présentement, on repart de zéro, on était loin, on était en break, là. On était un long break. Mais il y en a 5 qu'on mentionnera pas parce qu'ils payent pas, fait qu'eux autres, ils ont même pas le droit qu'on mentionne leur nom. Mais il y a un gars qu'il faut mentionner, Jeff Lavoie, qui a donné un gros montant d'argent pour un mois et que revenu à ses sens, redescendu à 2$, ce qui est parfait, parce que là, ça nous a aidé à payer. Ouais, on a des beaux écouteurs. Merci. Merci, buddy. Parce qu'il était magané en tabarnak. Merci beaucoup. Donc, on entend. Là, il y a un micro qui a lâché aussi, donc c'est parfait qu'on soit un de moins que l'autre fois, parce que là, on n'a encore pas une fois l'équipement pour... non, mais je l'ai muté. J'ai coupé tout ça. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Yves Blado, Québec. Et on s'était dit quoi aussi, des nouveaux stools? Vous allez vous coincer les doigts sur des stools neufs, probablement. <là. rire> Donc voilà, merci beaucoup. Petite excuse aussi à tout le monde en podcast qui ont écouté en audio. J'ai oublié qu'il fallait que je fasse du montage sur ce show-là. Il y a eu deux pubs de 15 minutes de la toune de NHL 94 qui a joué en loop longtemps. Qu'est-ce que c'est? Je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai fait je suis fort. Recommences-tu? Non, ça me tourne pas. On est en rodage, j'étais en pré-saison. C'est ça. Mais bon, là, la saison est commencée. Ça sera plus tight. Peut-être. Peut-être pas trop tête. Ouais. Juste un peu. Ouais. Et sur ce, on va aller commencer la première période. Alors voilà. Donc, vous auriez pu constater tout le monde que Jeff Mallette n'est pas là ce soir, donc le gars qui s'occupe du pacing depuis plusieurs années maintenant n'est pas disponible. Fait qu'il a fallu qu'on se débrouille sans lui. J'ai repris le flambeau et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, parce que là on est au mois présentement pour le podcast, donc ce que j'ai dit, c'est du stock. On a du stock, fait qu'on va revenir sur les 10 premiers matchs, donc présentement le Canadien qui est 5-3-1. On est quand? Ah, ouais, oui. Non, 6-3-1. 5-3-1. Au standing, là. J'aurais dû regarder les stats. On était 6e avant le match hier. C'est tight, ce show-là. Puis, c'est important, il faut descendre dans la cave. On est le premier wild card en ce moment. C'est excellent. Ouais, mais faut... C'est pour ça que je ne check même pas le ranking. Juste devant la Caroline. Juste de Macaroni. Il aspire que Canini. Tu vois? Fait que là, étant donné qu'il n'y a plus de timing ou de pacing ou quoi que ce soit dans ce show-là, genre, on va probablement faire les plus et les moins en deuxième période parce qu'on va aller beaucoup de choses, match par match, je propose. OK, OK. Vu que c'est au moins, on a quand même ça frais dans notre mémoire, puis j'ai des petites vidéos pour accompagner tout ça pour vous présenter. Fait que ça va être très interactif. Là. On aura... J'espère que t'as pas le. J'ai toutes sortes d'affaires, moi. J'espère que t'as pas le moment que j'ai calé le. La pire. Non, d'ailleurs, on peut revenir sur ça parce que. It's all your fault, Dak. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui sont venus tout de suite le lendemain dire la prédiction du petit frère Cromp. En fin de show, caler une blessure de saison à Doc. Je pensais que t'allais sortir le. J'aurais dû le mettre puis t'envoyer en pénalité pour 2 minutes, peut-être, là, mais. Prochaine fois, ça sera au cachot. Ouais, c'est ça. Ta punition, c'est un caler une bière les toilettes. OK. C'est l'affaire là-bas, là. Ouais. Toi? Ouais, j'aurais besoin de petite le gars qui fallait qu'il commence à. Une petite matante, ouais. C'est bon que ce soit le gars qui lead le show en même temps qui donne la bière. Ouais, ouais, il n'y a pas de temps mort du tout, parfait. Ouais, mais c'est interactif. C'est chaud. Interactif pour qui? Pour moi ou genre? Ouais, tout du monde. Ouais. Toi, là. Premier match de saison, ouais, mesdames et messieurs, contre les Leafs. Donc, défaite contre les Leafs 6 à 5. C'est un petit bon match, ça. Ouais, gros match de début de saison. C'est un des bons matchs contre Toronto. Je pense que ça. Ouais, mais ça s'attendait pas à une aussi grosse adversité, je pense. Deux affaires à vous montrer par rapport à ce match-là. Donc, bon, on parle beaucoup de Gallagher, tu sais, que son contrat est. Et long et très cher. Et long et pénible. Ils ont eu ça peut-être une blessure, peut-être que non. À la dague. Ils se sont foncés dedans. Je vais montrer, genre les joueurs ont compris que peut-être que Gallagher a perdu son cas. A besoin d'aller sur le banc un petit peu. Petite commotion en partant. C'est qui l'a poigné? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas où est-ce qu'il allait. Il y va toujours jouer. Fait que c'est Gallagher qui. Ah, il fonce dans quelqu'un qui regarde pas du tout parce que je sais pas où il pense qu'il s'en va. Là, Gallagher. Le joueur, là, par exemple. C'est Gallagher qui est 100% en faute là-dedans. C'est je veux pas le bon numéro. C'est bon, ouais. C'est 2 et quelque chose, le premier chiffre. 2 et 20 chiffres. 20 kicks. Bref, c'est sûrement pas Caulfield. C'est genre Barron. Là, mais en affaire de même, 50. Pas à part la première saison. Pas la première game de la saison. Non, il était pas là, il jouait pas de suite. Sinon, tu sais, oui, gros match. Autre effet marquant de ce match-là, par contre. Peut-être Harris. Combat entre. Jacky et puis Reeves. Reeves. On va regarder un petit peu rapidement dans le net et puis. Reeves qui chiale, qui aime pas se faire pogner par derrière. Il aime pas ça se faire pogner par derrière, mais il a pogné goulé par derrière. Ouais, j'appelle pas ça non plus jumper par derrière, genre te faire revirer pour engager un combat. Là. Non, c'est ça. C'est pas Ah là, il a chialé. Là. Ouais, mais c'est sûr, il s'est fait rentrer dans le net on comme ça. Là, c'est pas le jambon le plus finement tranché, lui. C'est pas la meilleure des batailles. Il n'y a pas vraiment le petit point qui se sont donné. Harbour, j'ai crisé sur le dos, puis c'est Reeves, c'est à ton tour, c'est parfait. J'apprécie l'intensité d'Arbour. Il faut qu'il se calme un petit peu, par exemple, des fois. Il faut juste qu'il prenne la dose. Oui, je pense, parce que c'est quand même pas un mauvais joueur, mais. J'aime bien aussi. Il est le plus pénalisé dans la ligue, je pense. Il y a une bonne game, mais. On va le voir un petit peu encore ici. C'est quand même un gros crush check dans le dos à Goulet pour rien. C'est sûrement Goulet qui a gelé Gallagher 21. Ah ouais, peut-être. C'est sûrement Goulet qui a gelé Gallagher 21. Ouais, c'est sûrement Goulet. T'as raison. C'est sûrement lui. Bon caoul. Peut-être que Reeves, c'est un chum à Gallagher, puis il voulait le défendre. Ouais, c'est ça. On sait pas. Un chum. On est trop fiers, les boys. Man. Deuxième match. Hey, ensuite. I love leur jersey, les deux, si on chantait des boys. Ah, wow. Deuxième match contre les Blackhawks. Donc, le match d'ouverture au Centre Bell. Victoire de 3-2 du Canadien. Plusieurs affaires à parler de ce match-là. La polémique des bouts. On peut commencer par la polémique des bouts à Connor Bedard. Boué Connor Bedard. Qu'est-ce que ça a passé? On peut-tu plus encore ici? Non, mais juste ça. Ça le monde en a parlé, fait peut-être que le monde veut qu'on en parle. C'est ça, tu sais. C'est mais c'est vrai, moi, je sinon, trouve-moi du contenu. Là. Non, c'est un signe de respect. Ben oui, exactement. C'est un signe de respect. C'est exactement ça. Regarde, on sait que t'es bon, on va juste te jouer. Je pense que c'est fair game aussi. T'es dangereux. On le sait. Oui, des fois, on en a eu parce qu'on les haït. Tu sais, comme ça va être notre propre monde. Tu sais, mettons qu'on c'est vrai qu'on a eu des joueurs qu'on n'a pas vraiment besoin de jouer. Brisebois. Ouais, genre. Ouais, mais là, ça, c'était ridicule. Mais ça fait longtemps. Ouais, mais hué Connor Bedard, je pense pas que c'est hué Connor Bedard pour genre parce qu'on l'aime pas puis c'est un pas bon. Parce que si tu regardes quand Marc-André Fleury est venu jouer, qui est sûrement sur les matchs, on lui a donné une ovation. Ce que je trouve malade, c'est par exemple. C'est Marchand là, avec Bedard. Ah, ça, je l'ai pas pris. C'est une marde. merde, mon gars. C'est un rat. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait là au gars des Leafs hier ou avant-hier? Non. Il a mis le bâton direct entre les jambes, puis il a levé. Non. Il a levé la jambe, puis ça a fait qu'il est tombé. Il est tombé direct dans la bande. Ben ouais, tout ce que tu parles, c'est qu'il empêche Bédard d'entrer dans la bande. C'est ça la pénalité, le monde dit. Il n'y a pas eu de pénalité. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Un beau capitaine. Un fucking penalty. Comment t'appelles ça? Ouais, un swoop, man. Un assez beau capitaine, ça. Tu passes de Bergeron à Marchand, man. Ça représente 100% les Bruins du Boston. Les Bruins. Puis toutes les gens de Boston. Toutes les gens de Boston. Toutes eux autres. Toutes les fans. Toute la ville. Mais non, mais. C'est Jean. Honnêtement, c'est une hostie de disgrâce, ce gars-là. Ah, ouais. Je le déteste. Ça prendrait même pas dans mon équipe. Non. Ah, c'est un rat, man. Ouais. Un rat d'égout. Je l'ai tellement que je voudrais même pas qu'il joue pour nous autres. Malgré qu'il était bon. Là. Il ralentit, là. Ouais, ben c'est clair, mais. Non, même dans son prime, j'aurais pas voulu que ce soit ça. C'est même pas une peste, là. C'est un top. Ah, mais tu sais, quand il joue pour le Canada, ok, fine, mais tu sais, je veux dire. Ouais, sinon, mais dans, genre, dans le hockey olympique, tu vas moins. Ouais, il y a moins de tirs. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est une merde, ce gars-là. Ouais. T'as fait la cause. Autrement. C'est juste la parenthèse par rapport à Bédard. À Bédard, mais ouais, les huées à Bédard. Les huées à Bédard, ben tu sais. Moi, je trouve que c'est fair game. Les huées à Bédard, là. Je pense qu'on voit quelque chose qui n'existe pas en réalité. Ben, ouais, mais c'est le journalisme du Twitter là, qui se met à. C'est comme. C'est on invente une histoire. Pauvre Bédard, il faudrait l'acclamer. Comme si Bédard se faisait faire un cross-check dans le coin. C'est comme, ben là, c'est comme, fallait-tu faire ça? Il est nouveau. Non, non. Genre, welcome on fait to pas the ça league, un là, joueur. On fait pas ça un t'es un bon joueur, tu vas te faire huer. Le sixième joueur. De Montréal. Welcome to Montreal, le sixième joueur. Lui, il a trouvé ça cool. Ah ouais, il a trouvé ça malade. Si t'es bon, l'autre équipe, on va tuer. Il a pas été cocky, rien. Il agit comme un petit Crosby. Là. Il a l'air d'être un petit gars bien placé. Puis je serais pas surpris qu'à la prochaine fois qu'il va au Centre Bell, on l'applaudisse. Là. Les deux. Je suis sûr que s'il faisait une belle feinte, on l'applaudirait. Ben oui. On voit du beau hockey. Un si beau on but de fou, là, c'est le monde applaudit. Ben wow. Ben oui. Mais on a le droit, c'est-tu? Le droit. It's a game. C'est pas seulement moi, c'est juste une marque de respect. Puis il y a aussi qu'on voulait l'avoir, mais on l'a pas eu. Un peu là-dessus aussi. Ouais, jalousie. Ben, je veux dire, tout le monde aurait voulu en même temps. Tout le monde rêvait. Ouais, mais c'était plus accessible pour nous. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, OK, mais on est dans le top 5, mettons. C'est donc comme frustrant d'avoir eu un choix numéro 1 l'année d'avant. Ouais. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais qui n'est pas Connor Bédard. Non, mais c'est ça. Mais pour le même choix. Il est pour pas prêt. La même ronde, c'est comme. Mais je pense pas que Slavkovski. Il est pas prêt, tu leur descends. Non, non, il est prêt. Non, faut hey boy. On en parle tantôt des moins. Des plus des en fait, moins, tu dis je pense pas, mais c'est pas je pense pas. Ça sera beau, non, non. Ça. C'est qui coach? C'est Dak qui coach? Non. Qui? Ouais, ben justement, là, c'est ça que je m'en allais. Ah, ok, vas-y. Sur ce match-là, a été également la. La prédiction d'Alexandre. Mon Dieu. La blessure à Kirby Doc. Merci. Donc, on va l'avoir ici, la blessure. Qui a l'air anodine, comme ça, de se faire juste garager sur le banc puis faire une banane vers l'arrière. Puis finalement, déchirer des ligaments. Il s'est tout pété dans le genou. Ouais, les deux, man. Les deux. Ouais, le croisé inter et le MS. On le voit, il monte. Là, où est-ce qu'il s'est fait? Il dit j'ai bobo ici. J'ai bobo ici. Ça fait mal là. Puis là. Ça fait mal ici et ça fait mal. Ça fait chier parce que c'était notre plus à tout le monde et puis c'était notre sauveur pour la saison. Fait que. Yeah, ça va faire mal à long terme. Pour la saison. Pour la saison. Coach est mal au genou. L'infirmerie a été remplie assez rapidement en début de saison. Okay. On a encore la même signaiserie que l'année passée. Tout le monde se blesse. Nos joueurs sont venus. Mais il y a beaucoup de blessés en début de saison à date. Mais Goulet, Dak. Donc là, j'en oublie plein. La bonne chose, c'est que le lendemain, à l'entraînement, Dak était déjà là en train de faire des blagues avec Chantal sur le banc. Bonne humeur. Pimpin, puis tu sais, il se la joue, là. Il se la joue. Il parle avec Chantal. Il parle avec Chantal, mais ça. Non, mais au moins, tu sais, gars d'équipe, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? En même temps. Ça gomme, ça avance. Il fait des niaiseries. Il prend de la Excel Spearmint. Puis bon, pendant qu'on était là. Pendant qu'on était là, donc, post-opération DAC ici avec ce qui s'appelle maintenant le chapeau post-opératoire du Canadien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ouais, c'est ça. C'est tous les joueurs ont le chapeau là après l'opération. Ouais. Il y a eu Monahan qui l'a eu, je pense. Puis il y a eu Cole Caulfield. Mais Gouellet qui dit qu'il voudrait pas prendre l'avion avec Dak. Il dit, ce gars-là était tellement malchanceux, c'est dangereux. Ouais, c'est vrai que ce gars-là, il a été blessé. Il est malchanceux ou il est fait de vite, il est fait en verre. Fait en pot de pénis. C'est l'homme de verre. L'homme de verre. Glass man. Donc, c'est pas mal ça pour... Kirby Glass. Ça, c'était Blackhawks. C'était les Blackhawks. On avait gagné ou perdu? On avait gagné 3-2. Au moins. Battu Bédard. Battu Bédard. On a fait comme... Oh, c'est un crise, on va battu Bédard. C'est bon, ça. Autre truc intéressant, après ça, troisième match, on a reçu le Wild, donc Marc-André Fleury qui nous a battu 5-2. On fait de l'ovation à Fleury. Ben, bravo, ouais, c'était. On est capable de faire ça aussi. Ouais, c'est probablement ça. Le dernier match de Fleury au Centre Bell en carrière. Il devrait faire sa dernière année. Ça achève. Il devrait achever. Vous venez avec le Canadien, on va lui donner un gros contrat. 5 ans, 6 millions. Il va battre le nombre de games de victoire de Rouen, puis après ça, il va. Tu penses que c'est ça qu'il va faire? Ouais. Il bosse cette année, c'est sûr. Non, je sais pas. Il était pas loin. Je suis pas là, ok. J'écoute pas les games. J'écoute pas ça, moi. J'aime pas bien ça, moi, là. Avez-vous vu, parlant tantôt de Bédard, l'infographie de marde de je sais pas quel réseau. Sur ma TVA. Non, c'est même pas TVA en plus, puis ça aurait été leur genre. C'est Sportsnet. Mais je sais pas si c'était aux States ou. Ah ouais, il spill the beans, aussi. C'est comme Bédard, but numéro 1. C'est Road to Gretzky, 894. Puis t'es comme, à quel point tu peux pas mettre de la pression à un gars? Là. Ça, faut que tu battes Gretzky quand on a Bédard. Il y en a eu un joke par-dessus ça après ça. J'ai vu ça sur Instagram, fait que sûrement que Jeff Mallette l'aurait mis. Parce que c'est sa source d'information numéro 1. C'est ce qu'il m'a dit quand j'ai dit aussi que tu prends tes infos Instagram puis TikTok. TikTok. C'est là que je suis allé. Puis je suis allé aussi écouter les conférences de presse de Martin Saint-Louis. Tranquille, Martin, dans le dernier mois, quand même. Des bons extraits tantôt à vous passer. Anyway, là. Fait que deux affaires à parler par rapport au Wild. On va vous mettre un petit combat. Là. Martin, oh. Martin Saint-Louis. Y a-t-il le même dentifrice que François Gagnon? Ouais, je sais pas. Hein, <c'est>... Des fois, c'est en tout cas. Ceux qui savent. Parce qu'ils fument. Avez-vous aujourd'hui le gars qui, oui, hier, en fait, qui s'est fait péter les dents à la glace puis qui ramasse oui, ses dents? Oui. J'ai pas le temps de le mettre, là, j'ai oublié. Il ramasse ses dents. Est-ce que c'est drôle et triste à la fois? Là. Ah, ça doit tellement faire mal. C'est en blanche sur de la glace. Blanche, là, tu cherches longtemps. Ramasser que c'est gros gain. Fait que contre le Wild, combat de Pizzetta avec sa crinière puis son regard de feu quand il s'en va au banc. Fait qu'on peut checker un peu le combat. Là. Voilà, la violence. La violence, comme ça, toujours. Violence, ah oui, ça en prend. Ça, c'est bon quand t'es en audio. Avec hein. Les visières. Oui, mais il faut juste dire que Pizzetta, c'est. Vous avez vu, j'écoutais un coup de poing, un coup de poing, une droite, tombe à terre. Tombe à terre. Non, mais au moins, tu sais, c'est pas grave. En fait, je fais juste. Ça, c'est juste pour appuyer ce qu'on dit. Il est fier. Donc, faut déconner. Mais ouais, un beau gros check dans le fond de la zone. Pizzetta, un peu late. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu qui fait sa marque de même. Là, c'est ça a fait comme, troisième. On a comme deux gars un peu qui peuvent. Deux gars un peu. Tu m'en avais dit, les gars. On a comme deux gars un peu. Ils peuvent pas faire. Sinon, autre affaire mémorable de ce match-là, le fait qu'on a alloué deux buts dans un désavantage numérique. Dans un avantage numérique, en fait. Ah, ça, j'ai pas écouté longtemps. Ah, mais ça, là, c'était une game là. Mais c'est ça. Ouais, c'est un désavantage. Désavantage. Back to back. Oui. Hey, man, c'était dégueu. J'ai dit, OK, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai pas checké. Ben, en fait, j'ai. On va le voir, là. La game part. La game part. Ça fait 2 minutes, ça commence. Je me pose sous mon Helix. Je vais en coucher ma petite. Je redescends. Puis il a déposé, parce que ça dépose, cette niaiserie-là. Ouais, ouais. Fait que là, je redépose. 2-0. Je fais comme, je back. Je suis comme, Chris, on a une supériorité numérique. Bang, bang, c'est contre 2 buts. Je fais fuck off, j'écoute pas ce game-là. Je l'ai pas c'est de la merde. Moi, à 3-0, j'aurais dit. Wow, ça a pas été long, le troisième but après ça. Non, c'est direct. Mais ça, moi aussi, je vais toucher mon gars. Je descends en bas, genre, c'est 1-1. Puis je m'en vais aux toilettes. Puis genre, je reviens, puis c'est rendu 2-1. Short-handed. Go! Ouais, fait que. Deux en une minute. Fun fact, la dernière fois que c'était arrivé aux Canadiens, ça, c'était le 11 avril 2009 contre Pittsburgh, puis c'était Fleury qui était dans les nets également. Oh! Ah, ben, des petits fun facts! Vous direz pas que j'ai pas fait mes recherches! Mais là, on peut-tu en parler des fun facts, là, maintenant? Ouais, vas-y donc. Les hosties de statistiques de TVA Sport, là, qui sortent des aberrations, genre. Toi, tu parles de Caulfield. Je prends la place de ma lettre, là, j'ai pas le call-out, mais. Asti, ah oui. Tu sors les pires statistiques pour te mettre en avantage, genre. Attends, le premier joueur depuis 100 ans à faire 6 buts en moins de matchs en supériorité numérique après 3 minutes 20 secondes de la première période. On s'en calisse. C'est. Avec son but en prolongation contre les Blue Jackets, Cole Caulfield est devenu le joueur le plus rapide. de l'histoire et de loin à atteindre le plateau des Cibus en période de sûreté. Mais des Cibus? Quel de plateau sûreté? De marde? 6 buts en prolongation. Pas les 10. Pourquoi il y a du temps? Pas les 100. Pourquoi il y a du temps là-dessus? C'est qui perd son temps, man? Après ça, on se demande pourquoi TPA coupe 500 jobs. Il travaille plus là. Il en met trop plus. Il travaille plus là. Sacrement. C'est ADS en plus. Je pense que... Ouais, c'est ça le pire. Mais oui, c'est ça. Fait que... Mais moi, c'est comme, hey, il a fait ça. Du vide pour remplir du vide. En 130 matchs. Hey, man. Le plus près, à 190 matchs, c'est Braden Point. Ouh. Il y a un gars là-dedans qui jouait genre dans les années 20. Là. Non. Oui. Le quatrième. Là. Oui. Nell Stewart. Oui. 197 matchs. Si, boy. Mais... Ça, c'était du match, les voyageurs en train. Oh. À pied. Il y avait juste ses équipes. C'était des Maroons. Les Maroons. Les Maroons, ouais, les Maroons de Montréal. Le club qui existe même plus. Après ça, ma quatrième match contre les Capitals, encore une fois à Montréal, une victoire de 3-2 du Canadien en prolongation. J'ai une vidéo du but. Ovechkin qui fait rien. Gagnant. Ben, en fait, ça se. Ouais, parlons d'Ovechkin avant d'aller sur la vidéo du but gagnant. Je sais pas. Il va-tu se rendre à Gretzky? C'est beau, je sais pas, ça y prend deux saisons de 40 là? Il manque quoi, 80 buts ça? Ouais. Man, la façon qu'il joue, ça relance. Va y prendre 6 ans. Ben, il joue pas en fait, il essaie de scorer. C'est assez, il est un pourri. C'est dans mon pool, c'est qu'il essaie de. On dirait qu'il joue plus pour l'amour de la game. Il joue pour scorer. Ben, il essaie, il est pas. Il est pas fini. Ça paye pas, mais il a recommencé à scorer un peu. Mais. Il y a eu ça comme une léthargie de début de saison, d'une coupe de matchs avec pas ça de. Ça n'est jamais arrivé dans sa carrière. God, est-ce que ça serait, t'sais, ça serait tellement hot que ce record-là soit battu par comme enfin, l'air moderne un peu du hockey. Ouais, ou qu'il ne batte pas par genre un but. Là. Mais pas Ovechkin. Ah, pourquoi pas? Mais qui d'autre? Je ne suis pas un fan d'Ovechkin, mais je trouverais ça hot pareil. Parce que c'est un esti scoreur pareil. Ouais. Que tu un bon gars, Ovechkin. C'est plus. C'est pas un crotté. Les allégeances de ce gars. Ah, ouais, ben là. Avec ses photos sur Instagram ouvertement avec Poutine. Il n'y a pas le choix, sinon cette famille va se faire être dessus. Il a juste fermé sa gueule. C'est pas le seul à tête de russe qui. Non, mais lui, il est high profile, il a rencontré souvent Poutine. C'est ça, mais il est complètement. En tout cas, on n'en marquerait pas là-dedans. Il va me faire crever mes pneus de char et voler un rein. Tu vas faire un goulag. Ah, moi, je les aurais tous bannis de la NHL, les joueurs russes. Vous n'avez plus le droit de jouer au hockey, merci, bye. Ouais, mais c'est pas bon la NHL. Non, je sais. T'enlèves quelques joueurs. Même la guerre, man. Choisis. La guerre, c'est pas une raison pour empêcher que je joue au hockey. C'est ça, la guerre. Parce que je veux dire, en même temps, il y a pas l'athlète de payer. Ouais. Mais quand tu t'affiches ouvertement avec des appuis. Oui, quand tu t'affiches ouvertement, oui. C'était pas juste. Il y en a qui sont. Ils n'ont pas été. Non, il y en a qui n'ont pas choisi ça. Il y en a un à Calgary qui s'est mis compte. Ouais, lui, mais... il y a des balls of steel. Ouais. Mais la plupart, c'est comme, dis rien. Ouais, puis t'as plein d'athlètes qui vont s'afficher sous d'autres pays. Tu sais, des joueurs de tennis qui vont être affichés Kazakhstan à la place de Russie. Rybakina, là, qui est une des meilleures joueuses au monde. Ben, elle, c'est une Russe qui est sous flag du Kazakhstan. Mais c'est une Russe, tu sais. Fait que, mais elle veut pas être associée à ça. Elle veut pas se mêler de ces affaires-là. C'est bien correct. Hein. Ouais. Elle est là pour faire du sport. Là. Ben oui, on fera pas le débat d'Ovechkin à soir. Là. Écoute, si. C'est sale. Non, mais on va aller voir. C'est sale. C'est sale. Bon, ben, on va espérer que Connor Bedard le fasse. Ben oui, ouais, il reste juste 800. Comment il en reste, 800? Il va dire 14. Check donc la stats. Appelle ChatGPT. Appelle ChatGPT. Mais on. Bedard est à combien de buts de Gretzky? 843. Je vais m'en dégeler le chat, là. Il doit, en fait, s'il n'y a pas déjà un site web en ce moment de genre, tu sais, qui t'affiche juste ça, genre, que le site web c'est genre howgoldfromgritskyisbedard.com. Si on le fait, je vais le faire, ça va être vraiment facile. on va aller voir si je le fais. On pogne un nom de domaine. On se met de la pub, on devient riche, on s'achète des stools, on se pogne pas les doigts. On appelle ça Connor to Gretzky. Bedard2Gretzky.ca ou .com.net. .org. .org. It's not for profit. .org. C'est informatif, c'est pour le public, c'est un service public. Allons voir le but gagnant contre les Caps en prolongation. Ici, il me semble que c'est Caulfield qui avait scoré. Ouais, c'est Caulfield. Voilà. Scoreur d'un excellent tir. C'est son tir de prédilection, ça. Très, très, très beau. Pas les goalers, man, ils savent qu'il va faire ça. Ouais, même s'ils savent, je pense. Ouais, c'est top. J'ai la POC arrive vite en esti. Il est beau à voir aller. On salue les Patreons audio. Oui, ben les Patreons audio qui mangent la merde, ils payent pas. T'as raison. En fait, personne ne paye pour le contenu. Là. Ouais, c'est ça. On fait le show pour une personne qui a donné 50 piastres. Ben, puis les deux personnes qui sont sur Twitch, ouais, ouais, c'est ouais, ce public-là. Là, ben, ouais. Il y a plus de monde sur le show que d'auditoires. C'est bien correct. Il y a plein de monde qui nous écoute par après. Exact. Vendredi soir, c'est pas le meilleur temps pour. Non, écoutez, moi je fais rien que ça live parce que j'ai pas à le recorder sur mon ordi, puis ça va sur Twitch, puis c'est les autres qui gèrent tout l'enregistrement de ça. C'est la seule raison qu'on est live, pour vrai. Là. Ah oui, c'est le but qu'il s'en allait changer, il s'en allait au banc, puis il a fait comme fuck off, je pense que j'ai une occasion. J'ai goût d'y aller. Là. J'ai goût d'y aller, je pense que je vais scorer. Ouais. Ah, c'était et voilà. Bing, bing, merci, bonsoir. Bing, bing. Ben, il est clutch en Chris. Ah ouais. Sérieux. Il est bon, petit Chris. Ouais. Ben qu'on a l'avoir. Un bon petit Chris. De bon petit Chris. Il va peut-être l'avoir son 40 buts cette année. Ah ouais. Oui. J'ai rendu à 10 points en genre 9 matchs. 40 buts. 40 buts. D'accord. Ça serait énorme. Non, mais l'année passée, il était parti pour ça. Mais si il s'est pété. C'est le premier joueur de 40 buts, man. Il s'est pété l'épaule. Non, il y a 10 points en 10 matchs. 4 buts, 6 passes. 4 buts en 10 matchs? 10 matchs. C'est ça. Fait 4 fois, ouais, c'est 8 fois ça. 40 buts. Let's go! Ouais. On met 20 piastres. Tu parles dessous. Puis il va compter. Moi, mais attends, il va avoir des games, il va compter 2 buts, qui va s'en venir. On fait un pari là-dessus. Là, il y a genre 30 cents à la table. J'ai 16 cents du casino ici. On met ça ici. Attention, les grosses mix! On a 26 cents en jeu. Oh, attention! Ensuite, cinquième match contre les Sabres de Buffalo à Buffalo. On a gagné 3-1. Et le fait marquant de ce match-là a été David Savard. David. Ah, oh, c'est-tu, quand c'était genre. David qui s'est sacrifié pour shots, les. Il a mangé comme 5 tirs. C'est un shot sa main. Un shot d'ingénieur. Il pogne le bâton. Il a perdu son patin. Bloque un autre shot. Pèse le patin. Pèse à l'âme. Tombe à genoux. Se tire son bâton. Il n'y a plus de lame. Il manque une lame, là. Manque un autre shot. Manque probablement un tour. Pitch la puck. T'es encore à terre. Il est à genoux, esti, avec le patin. Pété, genre, il sait plus quoi faire. Il se traîne, c'est comme un petit chien. Ben il calvaire, il rampe, esti. Moi, je vais écouter une game play by play. Il se démène comme le diable dans l'eau bénite, esti. On va faire un state boot. Moi, je veux un tir patin. Il bloque un autre après, je pense. Là, bang, dans le dos, esti. Il retombe à pleuvante, esti, mon gars. Ah, puis là, enfin, Allen, c'est comme une, fucking c'est quasiment play, comme une farce, là, tu sais, comme la vidéo, le gars qui fait les balles, qui des bêtes d'en face, back to back. Il y en a un le soccer aussi, ouais. C'est que c'est drôle, ça. Sert à rien, ça. Mais c'est quasiment tout ça. Tout un warrior, par exemple. C'est sacrifié, man. C'est blessé aussi, là, mais... Ouais, non, mais c'est sacrifié. Mais ouais, c'est sacrifié. Mais la match qu'on fait dans le dos, là, à la fin, là, les gars, pas tombe à faire. Dans le dos, là, tu sais. C'est moyen table. Ah, c'est pour te finir. Là. Ouais. Mais j'aimerais avoir un tier Patreon, soirée du podcast, pour entendre Dave faire du play-by-play d'une game de hockey. Reçois la POC, l'envoie dans le coin. Bloque le tir. Bloque le tir. On fait des segments de ça dans le Patreon. Ah, c'est pourrait... pour ça qu'ils payent 20$. Non, on pourrait avoir un tier que c'est juste nous autres qui fait du play-by-play par-dessus une séquence de 2 minutes. C'est incroyable. Je regarde ça, puis on le fait pas. Okay. On pourrait faire des vidéos juste au fond avec genre des coulisses d'avant. Genre. Les coulisses d'avant. Les coulisses d'avant match. Ouf. Ouf. Ensuite, sixième match. Défaite de 5-2 contre les Devils. Je n'ai pas de vidéo de ce match-là. Ça ne valait pas la peine. T'as de la merde de ce match-là. Ouais, fait qu'on passe tout de suite au prochain. Septième match contre les Blue Jackets. Donc, victoire à Montréal de 4-3. Grosse games. En overtime et deux vidéos. Encore une fois, un combat de check-eye à vous montrer ici. Check-eye. Je parle bien. Ça, c'est quand qui s'est battu contre qui? Qui? Low resolution en essayant. Ouais, c'est ça. Il y a un des vidéos qui rend low resolution, low je m'excuse. Low resolution. Je me sens compte trop tard, puis j'étais comme, oh, je suis en train de ok, bon, ouais, c'est ça. Ouais, il vient de coller ça à terre, là. Ouais, mais ça, là, c'était fou. Ça, fontanelle. On se faisait ramasser. C'est le coup de poing à la fontanelle. Ça faisait deux fois qu'il nous plaquait par en arrière, là. Bon. Bon. Une coulisse. Un beau comme shot. Nice. La petite arrive à moi, ça. J'étais pas en vidéo, maudit. Ah, comme shot. Mais bon, c'est bon, je suis juste bien calé. Je recule un petit peu, on le voit ici. Ah, c'est ça. Elle a bien moussé la bière. Tu l'échappais à la bonne place. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte pendant que je buvais. Voilà. Fait qu'on a, on t'a rendu où là, avec tout ça? Ben ça, mais non. On, le combat de Jack-Eye. C'était correct qu'il le fasse à terre parce que faisait, man, il fait, ça faisait deux fois qu'on se faisait vraiment. Mais ça, c'est, ça c'est quand c'est lui qui l'avait pogné. Les Blue Jackets, on dirait, c'est qu'on blesse tout le monde. C'est quand que c'est lui, c'est ça. Ouais, ouais, lui a pogné Jack-Eye. Il a pogné quelqu'un d'autre, ce gars-là, avant. Ouais. Puis après ça, il a fait ça à lui. Puis là, il a pogné Jack-Eye. Quand il le fait, c'est un grand à terre, c'est parce que t'es en crise. Et sinon, ben encore une fois, allons voir le but en prolongation de Cole Caulfield. Toujours ce scénario qui se répète là. Ça, là, hostie, c'était... De toute beauté. Un but de Caulfield comme ça ici. Là. C'est juste là, il... C'est même pas la puck, hein, aussi. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça, c'est que c'est free for all, puis il y a rien qui... C'est plus tard, le but. Ouais, c'est ça, ouais c'est mais ça, mais j'aurais dû le couper jeu, plus. Le jeu, là, il est juste intense. Il sort même de la zone. C'est ouais, comme... on a sorti de la zone. Oh, ouais, puis ils sont venus. On se prépare, les gars. C'est comme une séquence, genre, ouais, où dans le milieu. Là, ouais. Et voilà, le tir. Bing, boom. Esti, mon gars. Le gars-là n'a rien vu. Il est allé directement. Cache les biscuits. Oh, ouais. C'est la tablette Martin était content. Ah ouais. Ouais, Martin, dans ce game-là, il a passé de la face dans ses mains à genre swinguer de contemplation. Ça, on avait une pénalité. Ouais, parce qu'en troisième, on n'a pas eu une pénalité de tripping. Puis il a fait ouais, c'est ça. Ah ouais, puis il est en train de faire. C'est ça qu'il s'est mis à la face. Il est passé par toute la gamme des émotions, le bon Martin, dans ce game-là. Il était pas content. Il donnait des high-fives comme s'il n'y avait pas de lendemain. Motherfucker. Il est le fun à voir aller. Caulfield et Martin Saint-Louis aussi, le fun à voir aller. Derrière le banc. C'est sûr, man. Ah, c'est incroyable. Voilà, bing! Parce que lui, il voit le joueur, puis il dit, oh, c'est pas ça qu'il fallait qu'il fasse. Petit jeu. Puis il a scoré par la suite. Mieux que lui, ici. Plus vite, en moins de buts, en moins de matchs. Ouais, voilà. Ce sixième but-là, il l'aurait fait en moins de matchs. Probablement. Ensuite, donc, huitième match contre les Jets, encore une fois, une victoire du Canadien à Montréal, dans tir de barrage. Et je n'ai pas de vidéo. T'as pas de vidéo? Non, je n'ai pas de vidéo de cette t'as game. T'as pas des hosties de vidéos des tirs de barrage? Celui-là, je l'ai pas pris, celui de Nick. Jésus, il a fait de la même fin deux fois. Ben, comme Caulfield, toujours le même shot. Toujours la même Suzuki. Bon, mais ça marche. La fête à Suzuki. Chaque fois, c'est ça. Ça, c'est comme la fête à. C'est Capital, c'est Kuznetsov qui fait ça? C'est-tu Kuznetsov? Capitals, hein? Capitals. T'as la bonne équipe pour le bon joueur. Vous êtes Ovechkin. L'association ouais, est bon. Ouais. Bonne. Mais je suis pas capable de savoir à quel fin que ça. Ben, genre, il arrive devant le joueur, ben smooth, là, puis il avance. Ah, oh, au ralenti, là. Comme il patine à peine. Ouais. C'est devrait être interdit, lui, ça. C'est ça. Ils ont tous comme des petites signatures. Ben, allez vite, c'est pas de taper, hein. Ouais. C'est mieux le lendemain. Ouais. Et voilà. C'est ce qu'on peut voir. Il faut que t'aies des astuces de bonne main pour arriver lentement devant le goaler. Parce que t'as des mêmes moyennes, là. Mais quand t'arrives vite. C'est parce que c'est pas ta vitesse qui fait que t'es bon. C'est tes mains qui sont vite. Ben, c'est ça, mais je veux dire, mais si t'as pas trop de mains, parce que t'as pas avantage d'arriver lentement. Faut que t'arrives vite pour avoir le momentum. C'est comme, tu sais, Caulfield, quand il dégaine, là, une puck, là. C'est un quick shot. C'est un quick shot. C'est un full pin. Rester de feu, là. Tu sais, c'est comme POW! Mais la fin, t'as Suzuki, la seule fois que t'as besoin, c'est poker. Il se fuck. Les analystes disaient, c'est du poke, il ne peut pas rien faire. Ouais, puis tu l'as vu hier. Hier, il a poké trop lent. Le but refusé, là, c'est le goaler poké. Ouais. C'est ça. Voilà. Poke and it's done. C'est ça. C'est ça. Finit. Poke and it's done. C'était le huitième match, donc. Poke and it's done. Ensuite, neuvième match que personne n'a écouté contre les Golden Knights. Défaite en prolongation. Tard, en titre de barrage, en fait. Ça reste une assez bonne game, par exemple. Apparemment, c'est la meilleure game du Canadien de la saison. J'ai pas écouté trop tard. Moi non plus. On travaille. C'est ça. On a des emplois. J'ai des enfants. Moi, quand le game commence à 10h. J'ai écouté le début, puis le moment où je suis mort. J'ai même pas vu l'hymne national. J'ai mis le début sur mon sel, dans mon lit, puis je me suis réveillé. C'était comme l'après-match. C'était toute la vie. J'ai tabarnak. C'est sport 30 à 5h30. Ah, faveur derrière. Fuck. Donc, ouais, défaite en titre de barrage. Ils font pas des antichambres. Ça serait de faire des antichambres à 3h du matin. Ouais, les gars sont chauds raides. En temps, mon mec, c'est pas gagné. L'antichambre est comme late night. Ben mollo, là. L'antichambre, late night, l'antichambre. Ce serait hot. Et dernier match, donc celui d'hier, dixième match, défaite des Canadiens contre les Coyotes de Phoenix En Arizona. Les Coyotes de Phoenix. Les Coyotes de Phoenix. C'est mauvais, ça. Devant 2500 spectateurs. Oh, hey, man, c'est ça. C'est épouvantable. L'amphithéâtre, c'est filmé comme la LHJMQ. C'est fucked up. C'est comme Junior. Ah oui. C'est triste, man. Ouais, man, amenez pas ça à Québec, non, pas, du tout, là. C'est, c'est correct, c'est les Coyotes, ça va bien en Arizona. C'est juste pathétique, rendu à ce point-là. Là. C'est comme, à quel la point... C'est l'acharnement de Batman en Estie. C'est pas Matthews qui vient d'Arizona? Ouais. Ben, c'est ça, tu vois, ça fait partie, là, OK, là-bas. Man. Je regarde ça. Tout grâce à ça, c'est grâce aux Coyotes qu'on a acheté le Matthews. Ben oui. En ligue. Bon, seule vidéo de ce game-là, encore une fois, un autre blessé qui s'en va à l'infirmerie, cette fois-ci, Raphaël Harvey-Pinard, donc, qui a été blessé. Mm-hmm. Rentré dans la bande, mauvaise chute. Une mauvaise chute. Il y a eu deux. C'est pas sur cette séquence-là qu'il est blessé, attends. C'est l'autre. Oui. Non, mais attends, il y a eu ça, ouais. Après ça, il s'est fait ramasser. C'est en deuxième, début deuxième. Ouais. Bing. Boom. Ben, quelqu'un a retenu le pied pour plus contrôler sa chute. Ça faisait comme deux... On est beaucoup blessés au bas du corps cette saison-ci. Jambes, ouais. C'est bien des crochets dans les jambes. C'est ça. Ben là, à la Ligue à Star. C'est légal. On est juste fait en papier. Non, mais c'est juste. En fait, ben, c'est pas en papier. C'est parce que là, tu sais. Non, mais t'as les genoux qui plient dans le mauvais sens. C'est un mauvais mouvement. C'est un bad. En fait, on est juste très malchanceux. C'est ça. C'est ce n'est que de la malchance tout le temps. C'est la façon qu'il est, là. Il sortit son genou. Il est deux jambes complètement écartées, il est tout croche. Tu refais la même affaire. Seconde avant. Tu refais la même affaire de la même façon une autre fois, puis le résultat va être différent. Ça doit pas être si grave que ça. C'est parce qu'il grind. S'il grindait pas, puis qu'il allait pas se battre pour la puck, il se faisait pas péter de même. C'est qu'il a grindé, il voulait vraiment sortir la balle. La puck du côté. Il s'est mis dans une position vulnérable, puis il a payé le prix. Voilà. Mettre le ballon hors de bande. Ouais, je te. J'ai pas prof des ducs, moi, il y a bien des balles. Là. J'allais finir là-dessus, mais j'ai pas l'image, mais avez-vous vu Slafkovský sur une grande chaise haute sur le banc des Canadiens? Ouais. C'était quoi sur ça? Son stool, sur son tabouret. Son stool en bois. En punition, il y a je crois, un petit bonnet d'âge. Je sais pas c'est quoi, le banc est fucké là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Ça, c'était en Arizona, ça? Je sais pas, c'est où. Non, il me semble que c'était mardi. Destiné en foule. Je pense que c'était mardi, ça. Mardi, c'était contre. Attends, c'était. Mardi, il a trouvé une bonne chaise. Dans l'Ouest. Mardi, c'était pas contre les Golden Knights. Vegas? Non, Vegas. Non, Vegas, Golden Knights, c'est même. Non, mais ça, c'était lundi, Vegas. Ouais, non, c'est. L'autre d'avant, c'était contre les Devils? Non, Blue Jackets. Blue Jackets. C'est les Jets. C'est les Jets. Les Jets. Non, Jets, c'est à Montréal. C'est compliqué, là. C'était pas Montréal. C'est quoi les dernières? C'est l'année passée. Attends, l'année passée. Il y a Arizona. Arizona, Golden Knights, les Jets. C'est à Vegas, d'abord. C'est ça, c'est Vegas. C'est compliqué pour une chaise. Non, c'est en Arizona. Ils ont mis la moitié du banc sur le noir, puis ils ont perdu leur... Il y avait plus de place pour l'asseoir, mais ils ont dit, regarde, on va prendre le petit tour. Le tabouret du poker du casino. À cause de ça, il l'a fait skipper une coupe de tour. Je sais pas, il l'a-tu benché? Je sais pas. Je pense pas. Sur son c'était comme sur sa chaise haute. On peut pas le faire sa chaise haute. Ça fait le tour des matchs du premier mois d'activité de la Ligue nationale. Donc, voilà. C'était le mois d'octobre du Canada. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. On va faire une pause tout pour nos plus et nos moins après la pause. Ouais. Il n'est pas prêt. Pause que je vais couper d'ailleurs pour les gens en audio. Donc vous aurez juste un loop de la toune. Ouais, mais s'ils veulent vraiment avoir la toune. La toune. En repeat, tu sais, par 15 minutes. Écoute l'épisode de la saison. T'as rendu à la job 15 minutes de. Non, parce que là, dans ton char, tu fais comme fast forward de 15 secondes. 15. Qu'est-ce qu'il a combien de temps? Ah, whoops, je suis 2 minutes trop loin. Voilà. Donc, on s'en fait une pause. Hey, on c'est bien pour la deuxième période. Oh, wow. Très sec. Je vais le couper pour le monde après. Si le monde dans leur char écoutait ça, puis que ça recommence de même, ils ont pogné le clos, man. C'est sec la soirée du podcast. C'est l'autre très fois, il y avait un petit fade au moins. Là, j'ai mis ça à cut. Coupe-moi ça. On est là. We're back. De retour pour la deuxième période. Avec pas la cloche du tout. Winter Dave. Bon, ben allons-y avec nos plus et nos moins de ce premier mois d'octobre de hockey du Canadien de Montréal. Oh. Oh, petit tour de table. Tour de bar. No plus, no moins. Whatever. No moins. Il n'y a pas de pacing. No plus. No plus. Monan. Monan. Ben oui. Monan, je m'attendais pas à ça. Je suis agréablement surpris. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on peut nommer Gouler, on peut nommer. Ce serait facile, mais on veut sortir des sentiers battus. Moi, je dirais que non, honnêtement, Monan, il joue bien, man, puis il garde la mat dedans, puis à des bons moments. Addison, man, et tout. Garde-les. Moi, je vais dire Monan. Ce serait mon choix aussi, en fait. Bon. Mais je dirais, je vais dire Matheson. Matheson, je trouve que des fois, il se met dans des drôles de positions. Genre, oui, des fois, il se met vraiment vulnérable. Peut-être, ouais. Il relance vraiment bien l'attaque, mais je trouve que des fois, il se met dans des positions où il se fait péter. Mais défensivement parlant, là, man, à tous les niveaux, là, Goulet, là, ah ouais. C'est un. Ce gars-là, là, j'ai hâte de voir la limite qu'il va atteindre. Mmh. Parce que lui, man, là, tout est possible. Ouais. Dans son cas, là, il peut se passer plein de belles choses avec lui. Il est bon all around. Il est physique, man. On dirait que ça fait une heure qu'on est en onde et qu'on commence à parler de hockey. Ouais. C'est pas juste une impression, là. On a rappé les matchs. On a bu de la bière en checkant des recaps, là. On a pre-game. C'est des sujets chauds couverts par des gars chauds. J'avais pas compris encore la game. On était pas chauds encore, fait qu'il fallait. C'est ça. Bon. Mais ouais, Madison, c'est ça. À part que je trouve que peut-être qu'il, des fois, il se met dans la position. Qui va peut-être se faire défoncer. Vulnérable. Mais égoulé, ouais, très, très efficace. C'est un solide candidat. Moi, je vais donner un gars qui est au sein d'un mauvais trio, mais que j'aime ça le voir jouer. Malgré que son trio de la marbre, tout, puis lui, il joue super bien. Lui, il est fucking intense. Je l'aime, lui, man. Il grind de l'esti. Forecheck de fou, man. Tout le temps, fucking skate, man, ce gars-là. Ouais, moi, j'aime ça, je vois jouer. Il patine en crise. Pas du pas full pin. Il est dans la barreur. Il est bon sur la rondelle. Lui, il y a deux vitesses, arrêté ou 5. C'est comme, il n'y a pas d'entre les deux. Je vais donner à lui, moi. Le gear de Gallagher. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans ben, Chris Gallagher, man. Gallagher pourrait bien faire un petit plus. Il y a un bon début de saison. Gallagher, c'était inespéré quand même. Gallagher, je l'avais dans mes runs de NHL. Il a quoi, 3 buts? Depuis qu'il s'est fait geler par Goulet, là. Ouais. Ça va bien? On l'a réveillé. Wake up! Mais Gallagher, 3 buts. 3 buts. Ben, c'est plus que ce qu'on aurait espéré. Tabarnak. Il a atteint le plateau des 400 points. Ça, ça a dû y faire mal, 3 buts, 2 passes. Là. Ouais. Parce qu'il. Hein? Ça a dû y faire mal, 3 buts, 2 passes. Au corps? Il doit avoir mal à l'arbre. Il est sur le mioflex à côté. Il y a les Robax à 7, style, en capelet. Il y a 5 bracelets pieux, noisettiers, chaque bras. Je pensais son collier de noisettiers. Il y a du peu noisetier ici. Mais je pensais que tu disais que ça lui faisait mal parce que il pourra pas soutenir ça. Puis comme il est parti trop fort pour soutenir ça toute la saison. Comme après 10 buts, il est ça va peut-être être ça aussi. T'sais, ça a plusieurs connotations. Ouais, ouais. Là. Toi, GF, c'est qui? Je vais donner au goaler, moi. Ah bon? Ils ont rendu de fiers services. Motambo? Les deux. Motambo. À qui tu donnerais? Les deux ont fait mieux que bon ce que je pensais. De goaler. Ouais. Quand même. Mais pas primo. Non, mais j'ai dit les deux. Il a fait un crise de save, par exemple. Sur fucking 40. Disons que nos... nos deux goalers... Marc va faire la guette là-dessus. Vas-y, GM. Nos deux goalers B ont joué B+. Mettons. Ils ont joué A. Ils ont A moins. Allen, goalie. Oh, ouais, Allen, tête. Pour vrai, Allen, c'est ça. Allen, qu'est-ce que t'arrêtes de faire mentir? Allen, il s'en est dans c'est contre Columbus qui goalait. Au grand désarroi de GF Mallette, là, qui fait dire que genre, on recule là, dans notre reconstruction à cause de ça. Non, Chris, on est... On gagne ici. On peut-tu gagner pour avoir du fun? Ben oui, c'est du hockey. Mais même si on continue même, on va faire les playoffs, on va avoir du fun. Si on perd les playoffs, GF fait dire qu'on recule de 5 ans dans la construction. GF, extrême. Il est pas là, fait qu'il monte la marge. C'est ça. Lui qui veut juste qu'on joue dans la cam. Au prochain épisode. Ouais, il veut juste qu'on perde. Je sais, mais on peut pas. perdre tout tu le temps. Pas, c'est plate. Tu peux pas, ouais. T'aimes ça, voir du monde perdre, vote pour Toronto. Ah, c'est ben, ça, une partie ouais. Développement. Parce que, tu sais, sur nos 5 games, il y en a eu quoi? Il y a eu contre les Devils, 5-2, c'est de la merde. Puis sinon... Arizona, c'était... Le Wild, c'était de la merde. Attends. Mais non, mais pour vrai, on a un début de saison, mais tu sais, on n'a pas eu des grosses... Pas vous jouer comme Boston. On n'a pas eu des grosses games. Ouais, on n'a pas fait de grosses games contre... à date. Là, notre plus grosse game, c'est à date, c'est les Devils. Puis, mettons... On a perdu 5-2. On a une coupe, là, mais c'est pas un gros calendrier à date. Non, c'est pas... On va pas jouer contre des grosses pointures. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça va se... La plus grosse game, c'est contre Vegas. C'est contre les Vegas. Ouais, c'est ça. Vegas. Contre les Vegas. Les Vegas. Les Vegas. Non, puis on... Mais, tu sais, on a beau dire... Les grosses games s'en viennent, on n'a pas joué contre des gros adversaires, mais contre Vegas, qui est la plus grosse puissance de la ligue, on a tellement bien joué. Amenez-les les clubs, ça va, on est capable de jouer. Clairement. Mais oui, mais c'est excitant à voir, mais tu sais, je trouve ça le fun en même temps, mais tu sais, je comprends ce que Mallette veut dire aussi. Ouais, mais ça, plus tu repêches dans le cadre, je comprends que j'aimerais mieux repêcher, mais tu sais, si jamais, si j'ai du fun, je suis pas capable. Parce que si j'ai trop de plaisir à checker le hockey, parce que j'aime ce sport-là puis que mon équipe joue bien, je suis pas capable de penser long terme. Je suis émotif puis j'ai goût de les voir gagner. Puis j'ai goût de revivre genre 2021, tu sais, genre ouais, mais ça 2021. Hey, si jamais le club qu'on a est pas si mauvais que ça. Ben c'est ça. Tu sais, si jamais là on pouvait se rendre plus loin que finir 14e, tu sais, si on a le club pour se rendre, man, 6e. Mmh. Ouais. C'est, Pourquoi on serait pas de milieu de peloton? Ouais. Les 10 premières games nous ont prouvé qu'on n'est pas si à chier que ça. Fait que pourquoi on cheerait avec, pour avec qu'on perde? Je pense avec le temps, on peut ça cheer va pour rattraper. Gagner. Ben, peut-être, mais puis avec les blessés puis tout. Ah, mais là, en ce moment, on gagne. Correct, c'est le fun d'avoir joué. Pourquoi on serait comme Chris, il gagne, esti? Mais parce qu'il gagne, on a du fun. Puis on peut espérer peut-être se rendre... En deuxième ronde, le point de Mallette, c'est que si on veut être compétitif pour plusieurs années à un haut niveau, mais les gars qu'on a, les gars qu'on a, c'est parce que là, le problème, c'est qu'on est entre les deux. Faut que tu t'aimes pendant 3 ans. Nos gars sont jeunes. Oui, c'est ça l'affaire. Nos gars, on est une des équipes avec la moyenne des plus jeunes. On est dans les plus jeunes, oui. Puis, OK, si on repêche là, encore un troisième, puis on repêche la sauce comme Slafkovský, puis qu'on fait juste continuer à tanker. C'est pas le fun. Slafkovský, là, moi, je suis pas prêt à acheter. Justement, là, on dirait que je veux pas commencer déjà à dire ben Slafkovský, on le crisse, parce qu'on fait la même affaire qu'on fait à chaque fois. C'est qui, là? C'est justement le coach de genre des Coyotes, là, Tourigny, là, qui a dit genre que... la NHL, c'est pas une place pour apprendre. Non. Puis là, il est en train d'apprendre, puis il n'est pas là. Fait que je pense que il devrait peut-être aller dans le Rocket, puis montre quelqu'un d'autre à ta place. Montre un gars du Rocket qui ça va bien, puis que Chris. Richard. Un vétéran, là. Je sais pas, là. Sujet chaud. Richard, capable de monter à NHL. Richard, c'est quoi son prénom, dans le Rocket? Il est plus là, lui. Anthony Richard? Ouais. Non, il est plus là. Il est où? Je me souviens pas, man. Il a été même. Pour les Bears d'Hershey. Il a été coté de l'équipe, je pense, où ce qui est allé. Wow. Il a même pas fait le. Non, si. Il a fait le camp d'entraînement et il a tout pété. Pas à Montréal. Ah oui. Non. Bon, ah oui. Anthony Richard. Je pense pas. Il a joué des games l'année passée, il me semble. On est tight, oui, mais pas cette année. Ouais, mais c'était. En tout cas, bref. Tout pour dire, moi, je sais que je suis pas prêt à dire qu'il faut tout perdre, puis ça va chier encore. Il était solide, mais. Tu sais, si on a un autre. Puis je disais Slafkovský, mais si on a un autre joueur top 5 dans le repêchage, ça va pas changer l'équipe en tant que telle. On a quand même des bons jeunes joueurs, un bon show. Les Bruins. Les gars lâchent pas, il y a une bonne cohésion d'équipe. On a les goalers qui font la job. Moi, j'ai fait échanger au Bruins. Ça va. Il est au Bruins. Ah, fucker. 4 matchs de jouer, 0 but. Le point à GF, c'est qu'il dit que ça prend un centre numéro 1, ça prend un bon défenseur et un goaler. Oui, mais je veux dire. Oui, mais tu vas-tu aller chercher ça par un repêchage que tu sais même pas. Parce que il y a 32 clubs. Le problème, c'est que le Canadien. Tu sais pas jamais. Le Canadien, on s'entend qu'avec le club qu'on a, les Sharks, là. J'en parle, on en parle autant. Non, non, mais. On s'entend, là, les Sharks ont gagné 0 match. Alors, c'est, le Canadien, c'est là, serait poche qu'on aurait gagné plus que zéro match. Tu peux pas faire ça ici. Je veux dire, c'est on n'est pas là, bon, mais dire, notre club vaut pas zéro victoire, malheureusement. Puis tu sais, je veux dire, là, Manette, il faut que tu arrêtes à un moment donné de te mettre la tête dans le sable et de te dire, genre, je veux qu'on perde. Oui, je comprends, on va perdre, mais on va perdre à quel point on va perdre? Faut quand même gagner 20 tu games. Tu peux pas dire à tes joueurs de perdre. Puis si tu as des joueurs qui sont fiers de jouer et qui vont bien, ils vont quitter le camp, ils voudront pas jouer pour ton équipe. Non, c'est ça. C'est fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une limite à perdre et dire, genre, je veux perdre. Oui, je comprends, moi tout, je veux perdre. Je veux être le first pick. Je veux avoir Connor Bedard. Tu vas pas bencher. Tu veux perdre, faut que tu benches Caulfield, Suzuki. Mais la réalité, c'est que cette année, puis l'année passée, on l'a vu, on a repêché genre 5e. Cette année, on va repêcher encore 5e. À peu près, plus ou moins. Tu comprends-tu? Ouais, Dans ma logique. Personne n'a un gros joueur, mettons, ton numéro un. Les autres, c'est. Fait que je pense pas qu'on va aller chercher. Je pense pas qu'on va aller chercher un first pick, genre comme. On va aller chercher un top 10. C'est ça. Ouais. C'est le même, faut le voir. Puis là, tu peux pas compétitionner contre San Jose. En ce moment, comme médiocrité, ils sont tellement mauvais. Hey, man, hier, il y a mon applaudissement après 9 buts. 10 à 1. Le propre fan applaudissait. Ça a un. Comme nous autres, dans c'est le temps terrible, de la journée bon sombre sens. De l'histoire. Ouais. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Patrick, les bras dans les airs. C'est triste, là. Ouais. Ouf. Blessure au cœur. On a fait nos plus. On a fait nos moins. Ouais. On les a dit un peu. Bon, ouais, j'aurais dit Slavkovski, moi aussi. Moi. Ah ouais. Moi, je l'ai pas dit. Moi, j'aurais dit Anderson. Anderson? Ouais. Non, je pense pas. Ah non, ça sucks. Mais. Je pense qu'il travaille. Il travaille quand même. Ça va débloquer. Ben ouais, mais pour l'instant, depuis le dernier mois, je sais mon moins. Sa production offensive est pas là. Est pas mais là. Je pense qu'il travaille. Il y a d'autres joueurs, je pense, qui travaillent moins que lui. Il a le droit à son moins. Moi, je l'ai mon moins. J'ai pas dit qu'il n'a pas le droit à son moins. J'argumente son moins. Moi, je pense qu'il regarde bien plus. Son moins me dit. Son moins me fait chier. Je comprends ton point, mais je ne suis pas d'accord. C'est ça. Mais moi, quoi? C'est mon moins qu'on lisse. Good on you. Plus. Good on faut you. Faut qu'ils en donnent plus, surtout que Dak est parti. C'est all on him. Ouais. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Il peut en donner plus. Non, je suis pas d'accord. Il peut. Ouais, mais il chie ce jeu. Mais il travaille. C'est toi, vas-y, non, va. Moi, mon moins. Vas-y. J'ai peur. Alexandre Burroughs. Bon. Pourquoi? Ouais, parce que. Hey, les unités spéciales, ça va pas. L'année passée, c'était sa première année. On donne la chance aux coureurs. Cette année, ça marche pas. Chris, c'est peut-être le gars le problème. On est pourri, man. Il y a coach là-dedans, il y a tout là-dedans. Les joueurs, ça marche pas. Ouais. Mais ça a été notre game depuis longtemps. Oui, mais. Ouais, mais ça se règle. Comme Jeff Mallette disait, on va le côté, ça prend un défenseur en ligne qui peut se passer. C'est vraiment ça, man. Ça. Les gars, là, c'est ben, tout Suzuki là, qui fait tant les crises de passe, peux-tu shooter des fois, man? C'est pas sa job. Ça aurait pu être un moins si il y avait ça, pas ça eu. Ça, ça me gars. Il cherche tout le temps à Caulfield. Hey man, shoot the fucking game. Il a joué des pas sa job de fucking shooter au net. Ben non, mais il est bon pour shooter. Puis Martin, il dit des fois, tu le vois. Ouais, mais c'est pas sa nature. C'est pas ce joueur-là. Ben moi, je vais. Fait que mets la pointe au pire. Je suis pas sur le jeune. Je pense qu'il est pas à bonne place. Mais l'année passée, il produisait déjà plus. Je pense qu'il est pas à bonne place. Attends. Je pense qu'il est pas. Ce n'est que le mois 1. Non, mais parce que tu mets ça, New Hook fait forecheck. Ouais, mais on le voit pas. It should work. Mais le problème, c'est qu'on le voit pas. On le voit pas la game. On le voit pas. J'ai l'impression qu'il est invisible. Pas ce qui se passe. Il est complètement. C'est vrai qu'on le voit jamais. On le voit pas. Quand tu le remarques, tu fais comme « Ah, il est là, il joue pour nous autres. » Un def vrai, que tu vois pas, pour vrai, c'est bon signe. Ouais. Un attaquant que tu vois pas, il y a quelque chose qui se fait. Il fait jamais le jeu que tu voudrais qu'il fasse. Je veux juste pas y donner. C'est un finisher puis qui finit pas. Je veux juste pas y donner mon moins. Je veux lui donner la chance. C'est ça. Le gars, c'est un finisher, mais il finit pas aussi. Lui, c'est le gars qui fait comme shot. Mais il vient jamais. C'était un bon point star. C'est ça. Un bon joueur de hockey. Non, voilà. lui, c'est le gars qui job. Fait comme ça. Mais il vient jamais. Okay. Hey, je pas un fluffer. Pas un fluffer. Il est jamais. Lui, c'est sa seule job, genre. C'est juste ça, sa job. Puis il est pas capable de le faire. Il vient pas. Tu sais, lui, ils l'ont engagé pour ça. Tu sais, genre, t'es un finisher. That's a hell of a job. Toi, genre, on fait comme shot. Toi, tu fais comme shot. OK, stand in. Stunt cock. Le gars, il a un micro-pénis, genre, là, puis il fait... Il se retient depuis un mois. Tu vois pas sa caméra, c'est juste le liquide. On est rendu où? Parlez de Stankowski. Stankowski. Fait des cum shots. Il fait pas des cum shots. Moi, il fait des shots. Voilà. Il finit pas. Ben, on a fini nos moins, je pense. Tout à l'heure. Moi, j'avais dit Slav, moi, au début. Ouais, ah, c'est vrai. Bon. Oh, David, on sait bien. Je jugeais. J'avais pas compris. Je jugeais. Mais Primo. Il a joué une game. Ah, mais Primo, il. Quand même. Non, mais on veut. Il est pas calibre. Parce qu'il faut l'échanger. Puis on veut pas le temps pour rien. Il est pas calibre, les chats. Ouais. Lui là, tu fais un envie. C'est le premier de la saison. Lève le bras gauche. Ouais, c'est ça, pour nous, c'est ça que de savoir, là. On va se mettre un compteur dans le bas de l'écran là, ici là, pour dire combien que d'AVC dans la saison. Un ting premier. Wait, Wait a dit que Fowler, ça a l'air que pour lui, c'est un goaler d'avenir. Qui? Fowler? Fowler. Fowler. Fowler. Wait, quand il parle, il a de l'air. Chaud. Ouais, ou retard. Je vois. He's a retard. Ah, au moins, ma lettre n'est pas là pour faire pire. Non, mais non. Je choisis ses mots, c'est tout. Hey, on a des extraits audio de Martin Saint-Louis maintenant pour compléter nos plus et nos moins. Il n'y a pas beaucoup cette semaine parce que Martin a été tranquille en fait ce mois-ci. Mais quand même, des bons wise behaving. Mais il prend son temps de respirer et de prendre des longues pauses quand il parle. Fait que première vidéo sur Saint-Louis, en fait, on lui a demandé si, concernant Arbor Chekhaï, s'il pensait qu'il y avait un autre niveau offensif à atteindre. Je sais pas s'il y a un autre niveau offensivement, mais j'imagine que oui, avec plus d'expérience. Il y a un très bon instinct offensif, un très bon lancer. Puis, cette partie de game-là, comme jeune défenseur, est plus facile que l'autre côté. Se défendre comme défenseur, lire les contre-attaques, lire les surnombres qui s'en viennent, lire dans la zone défensive, c'est très difficile pour un jeune défenseur. Puis même pas juste pour un jeune défenseur, c'est pas une position facile à jouer. Mais je pense que de l'année passée à cette année, il y a une grosse amélioration. On le sait qu'il y a un côté offensif. C'est vrai. Vous voyez, c'est pas très drôle, c'est juste très long. J'ai fait une sieste en parlant. J'étais plus sûr si ça finissait à un moment donné. J'ai protège son joueur. J'ai peur. Mais non, mais il fait bien. C'est vrai qu'il y a un bon shot. Ouais. Des fois, tu le vois, ça passe proche en crise. Offensivement. Non. Je pense qu'il s'est il a de la misère à se contrôler. Ouais, il cherche trop le hit. Ou il cherche trop ce qu'il fait. C'est le shérif. Il va maturer. Avec son burger. Maintenant, il va arrêter de vouloir tout péter. Ouais, les hormones vont passer. Ouais. Mais tu sais, on se met à sa place. C'est un jeune qui fesse. Puis comme il est reconnu pour faire ça, le monde attend ça de lui. Fait ouais, exactement. Mais faut qu'il va tourner au Costco. Oui, il va maturer. Faut que t'apprennes à doser. Ouais, mais il va maturer. C'est là que tu vas voir si ça va devenir un joueur de hockey ordinaire ou un joueur de hockey correct. Un goon. Mais ça me dérange pas que ce soit le joueur le plus puni, par exemple. C'est le fun d'avoir ça dans notre équipe. Ouais, mais ça va essayer de faire temporaire. Quand ton penalty kill est à chier, c'est moyen. Ouais. Mais ouais. C'est le fun d'avoir l'action un peu. Ça l'aide la cause à Mallette. Ouais. Puis ça. Ça met du fun dans la game. Ça justifie mon moins. C'est ça. Tout est dans tout. Tu sais? Tout est merci Martin. Interlinké. Ensuite, on a demandé. En fait, on a parlé des jeunes joueurs. Puis pourquoi est-ce que. La vitesse pour se rendre à un club compétitif avec des jeunes, en fait, il est vieux ici. Ben parce que quand tu es jeune, tu as 5-6 équipes qui étaient jeunes. Puis là, ben, ça a grandi ensemble. Puis ils sont dans le cycle où ce que là, c'est leur temps. Fait que pour nous autres, c'est essayer de continuer et rentrer dans ce cycle-là. Là, t'sais. Puis. C'est compliqué. Puis c'est quand qu'on va être là, mais je sais pas, mais moi, je pense qu'on se rapproche tout le temps. Puis il y a des équipes qui sont capables de se rendre là plus vite que d'autres. Mais le but, c'est de se rendre là. Puis si vraiment tu te focuses sur la vitesse qu'il faut que tu te rendes là, mais peut-être que tu te rendras jamais là. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment que tu sois rationnel au lieu d'émotionnel. Parce que c'est facile de se perdre dans ce legacy si tu es émotionnel. Ça prend de l'émotion, c'est sûr, là. Mais il faut que tu fasses attention, puis il faut que tu restes plus rationnel pour être sûr que tu prends vraiment les bonnes étapes pour que tu arrives là, là. Tu sais, mais c'est notre but. Puis tu regardes les bonnes équipes qui ont gagné, là, tout ça, là. Si tu parles des Chicago, là, dans le temps, là, tu sais, Los Angeles, Tampa, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est essoufflé. C'est difficile parce que, comme tu dis, la ligue est jeune. Fait que ces gars-là, ben, ils sont rentrés jeunes. Puis là, ben, ils ont bâti ça. Puis là, ben, coup, là, que ils ont l'expérience, puis tout, puis c'est tout ensemble, puis ils sont connectés, ils sont balancés sur la glace, ils sont préparés, tu sais, ça se coach quasiment tout seul, ces équipes-là. C'est ça, le but. On sait ce qu'il veut dire. Il est tellement comme... Le détour, on comprend tout ce qu'il veut dire, mais asti, c'est long, l'expliquer. Il fait beaucoup de gestes de main, comme ça, beaucoup. Ah, il est très émotif quand il parle. Il est vraiment impliqué. Là, je l'adore. Ouais, bon. On le ressent. Ouais. Il transcende. Hey, Chris, oui. Tu prenais si des tours pour dire ce qu'il a à dire. Ça pour dire que genre les équipes qui sont jeunes, ben, y a des équipes qui étaient jeunes qui sont ensemble. Quand il arrive à une certaine période, ben là, c'est là qu'on gagne la Coupe Stanley. Puis tu peux pas forcer ça. Tu peux pas le forcer, faut que tu le laisses arriver. T'es ça qui tourne. Rationnel, émotionnel. Rational, emotional. tu peux traduire ça en anglais. Là, tu vois que ça se patine. C'est de l'anglais qui traduit en français. On ne sait pas. C'est bon. Non, mais c'est parce que ça, il a nommé Tempo. Puis il a comme pris une pause comme. Tempa. Ah, Tempa. Rêve à Tempa. Merci, Martin. Donc, encore une fois. Ensuite, prochaine vidéo, on lui a demandé, Martin, comment on sait qu'un gars qui est stand-by, qui joue pas, il est prêt à remonter dans l'alignement? Ouais, moi, c'est son éthique de travail. Comment il traite les pratiques. Puis c'est son attitude. Il est traite de ça. C'est tout. C'est tout. C'est une mauvaise attitude, mais... COVID. Mauvais langage, body language. Ouais, langage corporel, mais pour moi, si t'as ça, ben, tu rentres jamais. C'est ce qui est tight, hein? Tu rentres jamais. C'est dur s'accrocher dans... Ah, tu rentres jamais. C'est ce qui est tight, Chantal. Chantal est là, c'est le langage Chantal, Chantal? Body language? Okay. Bon, langage corporel. Langage corporel. C'est beau. C'est bon, c'est à check ça. Pensez-vous que quand il est rentré, Chantal allait dire comme je suis là, Martin. On voit les arcades, voit les arcades pendant qu'Alexandre est aux toilettes. Je suis là, Martin, si t'as besoin de quoi que ce soit. Il a mis son coton ouetté sur ma centipède. Tu peux-tu croire? Le manque de respect. Fait que oui, je suis sûr qu'elle dit ça. Elle dit ça. C'est beau. Chantal a dit. J'ai quoi, Martin? Je suis là. Je suis là. Zup. Zup. Pourquoi c'est elle qui se désire? Parce qu'elle l'aime. Elle est divorcée. Parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle l'aime. Elle est récemment divorcée. Es-tu récemment divorcée? Elle l'aime. Je que oui. Ah ouais? Je sais pas. Je veux juste imaginer ces deux-là dans le bureau. Martin et Chantal. Petit Martin, la grande Chantal. On parle des rumeurs ici, soirée du podcast. T'avais entendu la rumeur, toi, que Martin et Chantal dans le bureau? Non. Ton fil est pris dans ton autre fil. Voilà, fait que là, on va aller faire la prochaine. En fait, j'avais un extrait, puis c'était avant que Armia, qui a fait un petit détour. Bien avant. À Laval, revienne. J'avais checké avec le Rocket. Puis après ça, il rappelle. J'ai dit ça, je pense, sous le chat, puis il est venu le lendemain. Là, il a scoré. Il a scoré, puis après ça, il fait plus rien. Puis est-ce qu'il aurait pu faire. Comme d'habitude. Mais voici Martin Saint-Louis qui nous explique. Connard. Pourquoi est-ce qu'il ramène pas. Il ramenait pas, en fait, Armia du Rocket. Il bien présentement. Tu sais, puis j'en ai parlé à Army. Tu sais, puis. Army. Je sais que si je rentre Army, mon équipe est pas moins bonne. C'est les circonstances présentement, comment Army. Je trouve que mon équipe elle joue. Ouais, présentement. Mais j'ai dit de rester prêt. Puis Army, mais tu sais, tu parles de ça, Martin, mais tu sais, Army, c'est un gars comme entraîneur que tu veux remettre dans le line-up. Parce que c'est un gars qui va travailler, c'est un gars qui a une bonne attitude, c'est un gars d'équipe. C'est un gars qui contrôle qu'est-ce qu'il peut. Ouais, c'est... Christ. J'ai pas compris ce qu'il a dit au début. Sa dernière phrase. Si je monte Armia, mon équipe est pas moins bonne. Ça veut dire que, tu sais, même si je te mets dans mon équipe, j'en paye pas mon équipe. Mon équipe, elle peut juste être meilleure. Mais je comprends ce que vous avez dit. Ouais, mais c'est un peu dit à l'inverse, c'est ce qu'il aurait dû dire. Mais sémantique. Semantics. Mais ouais, c'est straight to the point. Ah, mais s'il avait dit mon équipe est pas meilleure, ça le dénigre. Ben, ça rend pas mon équipe paye, mais je suis le mets dans mon line. Ben, dans le fond, ça l'améliore pas. Mais ça reste au même point. C'est ce qui veut dire, c'est rendu pour une pièce. C'est ça. De rester le statu quo fait pas que l'équipe c'est pas est un compliment, puis c'est pas une insulte. Non, c'est ça. Ça reste dans ma. By the way, Army, t'es de wow. T'es de wow. By the way, il peut-être pas de suite. Mais il est revenu, puis il a scoré. Après ça, il faisait plus rien. C'est ça. Pris des mauvaises pénalités. Army up. Un gars de désavantage numérique. C'est un gars qui est sur son départ. Ouais. Hey, écoute, man. Regarde. Justement, on parle. J'ai juste out. Ouais, moi aussi. On parle des pénalités, puis bon. Comme je suis comme Martin. Je suis neutre. Je suis comme bon, ok. Martin, il est comme neutre. Army, c'est un bon joueur. Ouais, correct, le gars. Il, si je le mets, je suis pas meilleur. Il crée sur le coup de claque dans la face, il dit rien. Si je le mets dans mon équipe, ben, je suis pas meilleur. Fait que je le mets pas. Tant qu'à le mettre, je vais mettre un jeune. Lui qui est pas jeune, je vais mettre un jeune. Ouais, non, mais là, tu veux jouer un jeune, par exemple, tu risques d'être moins bon. Lui, ça garde juste. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais quoi faire. Tu le mets sur 4 et 3, tu sais qu'il peut prendre des minutes. Tandis qu'Armia, c'est. Non, Armia, t'as pas d'espoir que tu sois meilleur. Ouais, le jeune, il est moins bon, mais il va se développer. Comme là, il a scoré les affaires. Il a fait du bien dans HL, l'Esti. La game d'après, 3 pénalités. J'exagère. Tu peux, un peu. C'est ce que je veux dire. C'était une. Une, trois. Une ou deux. Il est douteux, là. Deux derniers extraits audio. Mais tu sais, quand il dit. Martin, que. Il a une bonne attitude, puis qu'il est travaillant, puis qu'il va te donner. C'est vrai ça. C'est qu'il va donner ce qu'il est capable de. Il va contrôler ce qu'il est capable de contrôler, mais c'est ça. C'est que. J'en doute même pas qu'il a une bonne attitude, ce gars-là. Ouais, puis je suis sûr qu'il est positif puis qu'il doit être un bon teammate. Il doit en mettre. Il est juste pas bon. Ouais. C'est sûr qu'il mange la salade. Il était là, genre 3 ans. Il a jamais été vraiment très bon. Ouais, mais non, mais c'est le gars qui drive au net, qui prend un rebound, vraiment, qui fait vraiment du... très bon. Ouais, mais c'est son il a rôle, juste c'est eu juste des ça. Moments où que tu dis oh, Armia! Armia drive au net, pogne un rebound, puis il mettait dedans, puis il joue à des avantages numériques. 10 fois par année. Ouais, mais c'est ça. Une game sur 8. Un gars de 3 4e trio. Là. Dans le temps 3, maintenant 4. Ben, puis ça, il pouvait dépanner sur le deuxième en faisant son forecheck. C'est à peu près ça. Puis ça, parce que c'était dans la merde. Ben oui. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, et puis, c'est sûrement un bon gars. Là. C'est un joueur bien ordinaire. C'est bon, on parlait des pénalités justement. Puis on a demandé à Saint-Louis par rapport à cette situation-là s'il y avait trop de pénalités prises par le Canadien. Our biggest problem is we've taken too many penalties. I think we're taking 37 minors, 38 minors. I think we kill on average like around 9 minutes a game that we kill, and it's too much. Over and over and over, it's too much. Une par-dessus l'autre, c'est trop. Je trouvais ça intéressant de l'entendre parler en anglais. Ouais, fait un petit contraste. Il est plus fluide. Ouais. Fluent les deux langues. Il plus vite, il plus est moins philosophique, c'est, comme, c'est plus straight to the point. Il y a moins d'analogie d'expliquer ce qu'il veut dire. C'est parce que ouais, il prend les mots, on comprend ce que dit Martin. C'est émotionnel et rationnel. Il y a moins de. Ah, français, faut c'était québécois. Je respire, Asti, j'ai une crampe au cerveau. Bon, ben, puis. Pauvre homme, Asti. C'est pas sa langue. Pauvre homme, qui mange en fait, arme. C'est sa langue, mais c'est plus sa langue. C'était sa langue. Non, c'était sa langue, c'est devenu plus sa langue. Non. Là, c'est, il essaie de revenir ça, sa langue. Donc, Dave, un Québécois, c'est toujours un Québécois. Si on prend pas un peu de repos, tu sais, quand on peut, mais la mentale, la fatigue, elle vient plus mentale que physique. Je pense que je suis fatigué. J'ai-tu lancé un chèque? Un chèque? Ouais. Mais ça peut s'arranger au montage. Ouais. Ça va toujours s'arranger. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que je la mentale. Au moins, j'ai lancé un chèque. J'ai lancé un chèque, la mentale. J'ai lancé un chèque. Un beau sti comme ça, directement, bien senti. Ah, mais regarde, c'est parfait. Il y a un heureux à l'antichambre, l'autre fois aussi. Direct en début de l'antichambre. Oh, sti. Pendant que le micro était off, mais ça venait en ondes. Nice. Parfait. Ça, c'est pas censé. Excellent. La soirée du podcast. Non, nous autres, on les dit francs, nos. Ça n'a pas fait la cote. Ça va faire la cote, non? Voilà. Ça coûte, tu n'as pas ici. Le temps pour ça. Non. Si on n'a pas le budget pour ça, pas mettre ça en jeu. Il y a un commentaire. On n'a pas quelqu'un qui est payé pour ça. Il y a un commentaire. Ah, on a un commentaire. Simonade. Simonade. Simonade, content de vous voir de retour. Les boys m'avaient inspiré à faire un podcast aussi avec un de mes excellent. Sur l'équipe de ma région. Good job. On aura servi à quelque chose une fois en 10 ans au moins. On n'est pas si mauvais. Si vous en verrez le nom de ton show. Ben, c'est soit ça ou lui a regardé ça et il a dit qu'est-ce que ces gars-là sont un mauvais. Être we can do it. Qu'est-ce qu'on peut le faire? Moi aussi, je peux faire ça. C'est sûr, je peux faire mieux que ça. C'est une bonne réflexion quand même. Ben oui. Écoute, content d'avoir inspiré. Tu nous enverras ton nom de show. Ouais. Puis on te pluggera plug. Peut-être que non. Ça après l'avoir écouté, là. On dépend si tu payes notre Patreon. Fait qu'on va aller faire une pause pour ouvrir la troisième période avec Around the NHL. Around the NHL. Sec. Sec. Pas de loup, Basti. On est de retour pour la troisième période. Ça va prendre le même thème. Tu sais, la deuxième période, en arrière. Je sais pas. Ou je ramène le buzzer juste parce que ça fait moins dur. Un buzzer. On fait un tour de la Ligue. Un buzzer par épisode. Oh, ouais. Ça va durer 4 ans, cette affaire-là. 4 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer très proche de nous quand même pour Around the NHL. Ça va pas très bien à Ottawa. Ottawa, ça va mal. On aime toujours ça parler d'Ottawa. Ouais, mais là, c'est... On aime ça quand il fail. Ouais, là, il fail beaucoup sur plusieurs points en même temps. Dorion est out. OK, bah, Gagnon, c'est encore... Dorion est out. Ça, c'est fini. Dossier réglé. Ouais. Manette l'avait collé. Il avait collé pas pour ça, mais il avait collé qu'il avait perdu sa job à cause qu'il fuckait toute la masse salariale. C'est ça. Ça, c'est fait. Ouais. Fait que check, ça, c'est fait. On va lui donner crédit. Il y a eu une controverse avec un certain Shane Pinto. Pinto. Ouais. Il bet. Il est suspendu 41. Paris sportif. Ça, c'est malade. Paris illégaux. La Pete Rose. La Pete Rose du hockey. Parce que sur leur casque, c'est bet 99. Leur publicitaire, ça, c'est malade. En vrai. Lui, il est allé voir c'était quoi. Puis il a betté sur une game de hockey. Il a tout perdu. Il a betté sur une game de hockey. Ben, juste la moitié de la saison. Ouais. 41 matchs. Mais il est pas suspension. Il n'y a pas de contrat. Non. Ouais. Mais ça, fait que là, en tout cas, c'est fucké ça. Là, faudrait si il faudrait que Manette soit signé, ici. Ouais, mais là, c'est ça. S'il n'est pas signé avant genre décembre, en affaire de même, ouais. Il ne peut pas genre jouer. En affaire comme ça. Mais il peut mais pas c'est... jouer. Anyway. C'était nécessaire. Mais il ne peut pas jouer de l'année, tu vois ça? Ouais. Cette suspension-là, c'est complètement nécessaire pour la crédibilité de la Ligue. Puis là, ben il ne peut, oui. Pas, oh, accepter, ouais, il peut pas accepter un contrat plus bas parce que genre, il pense qu'il vaut. Mais là, il joue pas. Fait que, les équipes veulent pas lui donner. Ce qui est malade quand on a besoin de lui. Malade, c'est parfait. Texte-nous, man. What the fuck? Ah, on a oublié de plugger le podcast du. Non, mais j'allais voir en fait le trousseur qui est dans le chat sur Twitch. Donc, son podcast s'appelle. Saguenay de Chicoutimi, cool. Les gérants d'estrade du vieux Georges. Podcast sur les Saguenay de Chicoutimi. C'est très local, j'adore ça. Pour vrai, c'est bon ça. Fait que si vous êtes fan. Faudrait qu'on fasse un merch de podcast. Ça racine. C'est la vue racine. On en est des beaux gérants d'estrade, nous autres. Ben oui. Oh, pas peur. Ce n'est que ça, en fait. Moi, j'irai manger un spaghette gratiné sa racine à la place que c'est multicolore là. Je me souviens plus c'est quoi le nom. C'est bon en crise. C'est bien couleur là. Jamais allé au Saguenay. Moi non plus jamais. C'est très très local. On devrait aller faire un show live. Jamais. Chez Georges, ben oui. C'est bon. Spaghetti gratiné. For the win, man. Bon. Allez prendre des shots de tequila après ça à côté. On va se faire un petit LSDP sur la route. On va aller faire un show live à Chicoute pour deux personnes chez Georges. Ah, ben certes. S'il nous paye le spaghette. Sinon, C'est nice, je coûte, c'est cool. Eh oui. Ben, jamais été, mais. C'est, donc, c'est... suivez ça. Gérant d'estrade des du Sagnéens, vieux joueur. Des affaires de même. Là, mais... T'as connu les Saguenayens? Les Saguenayens. Les 5 minutes, ouais. C'est ce que t'as dit? Ah, ouais! C'est ce que t'as dit? OK, je suis pas jamais allé au prochain sujet. Écoute, on m'a rencontré. Dans nos belles années. Dans notre jeunesse. Mais oui. Dans ce temps-là, sur ta haute-tech puis tout. En fait, j'avais comme prochain point que Connor McDavid s'est blessé pour 2 semaines, mais il est revenu cette semaine. Ben oui, si, par surprise. Comme ça, après, en fait, ça a fait 2 semaines. C'est ça qui arrive quand on fait des shows au mois et non au mois. Il faut qu'il rattrape le nombre de points. Fait que c'est quoi le décompte jusqu'à Gretzky? Le site internet. Le point on notre site. McDavid. Commandité par chez Georges. Mais pendant qu'on est sur le. On parlait de Bédard un peu. On pourrait voir le premier but de Bédard dans la Ligue nationale, je l'ai pris ici, qui était assez ordinaire. Mais vous avez un petit wraparound. Ouais, là, c'est, voilà. Donc, Bédard. Ouais, regarde, premier but Bédard. Bravo. Bravo. Tenordi. C'est vrai, j'avais oublié ça. Quand on a joué, quand je me regarde, ce gars-là, il existe encore. Il existe, je suis pas surpris. Mais qui joue dans la Ligue nationale, man. Ça, j'avoue que j'ai fait comme. Non, existe. You know what I mean. Ça existe. Non. Je pensais jamais qu'il jouait. En plus, il y a mon numéro. Il s'est exterminé, il est parti en poussière comme Stano. Il existe encore dans la NHL. Bédard, il a mon numéro. Il me l'a volé. Bédard. Qui a pensé en premier d'avoir 90. C'est une belle passe, par exemple. Là. Sa première passe. Là. Ah, mais ça sort sur pass là, qu'il a fait là, wow, du revers. Là. Ça, là, allez voir ça. Google it. Check it sur YouTube. On n'a pas, pas fini de voir. Check la saucer. La petite passe en arrière. La petite passe en arrière qu'il fait au début. Là. La back-end no look. Check bien ça. C'est pas celle-là. Non, on l'a pas. La prochaine. On va l'avoir après. Avance. Avance, recule. Ça va prendre un petit sport que je peux passer en vidéo. Check. Encore une fois, un excellent moment en audio ici. Check, pas ma passe. Check comme il est content. Oh non, c'est pas là. Ça va être bon en audio. Tout est bon. Ce segment-là est excellent depuis le début. Ça, là, en audio, c'est comme tu dis, genre, mais qu'est-ce que je vais faire demain matin? Je peux pas voir la caméra. Pour okay, moi là. En ce moment. Celle-là. Boum. De toute beauté. Fait que, ben, c'est OK. Hey, voilà, ben, c'est peu, beauté. Que combien de millions qui écoutent Joe Rogan en audio comme moi puis que je vois pas une crise de vidéo qui les images qu'il met sur la fin. Mais ouais, qui mange la merde. Vous les avez toutes vues. Imaginez-le dans votre tête comme si vous lisiez un livre. Eh non, le monde, ça a écouté l'ordre. Faites comme si vous l'aviez lu sur Wikipédia comme un film d'horreur. La pause, elle était parfaite. Elle était sur la palette. Tape to tape. C'est ça. Hey, tape to tape, tant qu'à ça. On va faire des petits comme des audiobooks. Là, elle se lance. Elle se lance. Elle se lance. Elle se lance. Je faisais un petit segue sur le tape. Revers, le tape to tape, en fait. On voit tape to tape du revers. Et, Travis Dermott, des Coyotes de Phoenix, avec le ruban de la fierté sur son bâton. Ça a fait un gros scandale qu'après ça, la NHL, on dit « Ah, oh, c'est correct, il faut le prendre finalement. » Puis moi, je m'attendais à voir du taping de bâton, vraiment. Puis non, Steve, finalement, c'est rien que genre le petit crisse de bout sur le bâton, là, ici. Wow, là. C'est juste ça, là, ici. Au là. Cas où, là. C'est pour dire qu'il y en a mis un peu. Fait que tout fait ce scandale-là... Puis c'est aux couleurs pas mal de son chandail. Mais c'est quoi le scandale? Rouge, vert, c'est que la bleu. NHL ne voulait pas qu'il utilise du tape multicolore. Il n'a pas le droit de mettre l'arc-en-ciel pour supporter les gays. Ben, pourquoi? La communauté LGBT. Parce que c'est des vieux croutons. Parce que c'est normal. Parce que non, mais regarde comment c'est offensant. T'as pas le droit de supporter une cause. T'as pas le droit de supporter une cause. Pendant que tu joues une game, c'est ça le règlement. Une cause, peu importe. Parce que après ça, t'en as un autre pour arriver. Ben moi, je supporte l'affaire. Fait que là, il voulait pas ouvrir la porte. C'est comme mettre le genou entre à terre. Défendre, genre, le Hezbollah ou. Ben là, il y en a qui pourraient mettre. Mettons, c'est pas le Palestine. Ils pourraient mettre du tape, mettons, aux couleurs de la Palestine. Mais ça, la Palestine, c'est une opinion. Être gay. Ouais. Non, mais tu peux supporter la Palestine. Là, les autres, parce que si tu ouvres la porte à eux, tu ouvres la porte à toi. Je trouve ça tellement fucking arriéré de la Ligue nationale. C'est pas une opinion. Non. La cause que tu choisis de supporter, c'est ton opinion. C'est une maladie. Et voilà. Bon. Ils sont malades, ces pauvres gens. Non, mais... Envoyez-les en thérapie. Ah, mais soignez-les. Asti que c'est arriéré, man. Pauvre. C'est épouvantable. C'est parce que c'est en ovine, les autres peuvent les ouvrir. Non, pas tout ça pour ça. Mais tout ça pour ce petit que ce que. Moi, je suis pour la liberté d'expression, n'importe quoi. Non, non, je. Je comprends pas ce qu'il dit parce que, tu sais, c'est pas. Tu prends pas position sur un débat. Ouais, tu prends position. Ça ne devrait pas être un débat. C'est pas un débat. C'est de un. Dire, je suis comme... gay, est-ce que je devrais pouvoir m'exposer? Tu sais, c'est... Voilà. Moi, j'ai pas de commentaire à dire. Bref. J'aimerais qu'on change de sujet tranquillement. Whatever. Anyway, tu sais, je veux dire. Bon, ben, next sujet. C'est le kind of shit que je veux pas dealer avec la Ligue nationale. C'est comme, en fait, tout ce que j'ai montré, c'était le petit bout de Chris Tape, que, genre, scandale pour genre 3 mm de tape. Ouais, de, voilà. C'est tellement ridicule. Il devrait même pas avoir. Non, il devrait juste toutes les ben, tout. Il devrait de... juste, hey, il y a le gars, il a le droit de mettre ça, le gars, il a le droit de mettre ça. On s'en calisse, c'est comme les, la crowd du tape sur le bâton. Si Ovechkin a le droit d'avoir des lacets jaunes sur ses patins, ben, c'est ouais, ça. Pourquoi on a le droit d'avoir des lacets multicolores? Ouais, ouais. C'est ça, exact. Ah, voilà, dossier clos. Exactement. Voilà. Gallagher, a atteint le plateau des 400 points. 400 points. Voilà, donc ça, c'est dit. Combien de matchs? 4000, je sais pas. Ça veut pas dire. T'es moins trop. Même pas 1000, ouais, peut-être 800. T'es 1000. Si lui, il mène ses gardes, c'est ça. Pour ça qu'on va prononcer le nom du prochain joueur, Jakub Loko, qui a reçu un coup de patin au visage. Ah non, c'est celui qui est mort, ça? Non, ça, j'ai pas ça. Mais ça, c'est lui qui a reçu le coup de patin au visage. En fait, voici de quoi il avait l'air après. Sacrement. Et il m'a gagné. C'est mauve. C'est mauve et c'est coupé proche de l'œil en titre. Ouais, vraiment une brune. Ah ouais, c'est vraiment une prune. Ça vient de d'où vient le nom avoir une prune? Ça vient de là. Voilà. Pas appétissant, par exemple. Pas le pauvre gars, man. Manger la prune parce que. C'est plus une prune. Il mangeait la prune. C'est moyen pour la sensation. On sort un peu d'ailleurs. On est en troisième période. Vague de retraite cette semaine. On a une bonne période. Dans c'est la deuxième. On est comme les Canadiens. C'est... La première, on se met chaud. La deuxième, on jase. La troisième, on est trop chaud. C'est la soirée de podcast. On a une bonne période. C'est la deuxième. C'est tout ce qui compte. On est comme le Canadien, finalement. Ouais. Ouais. Tant qu'on est bon dans le milieu, là, après non, ça. Non, mais les Canadiens, ils sont bons en troisième, des fois. On commence sloppy, on finit sloppy. Ils sont surprenants. Des fois. Retraite pour Plekanec. Ouais. Il joue ouais. encore, apparemment, en yes. Europe. Donc voici Glendo! Il a accroché son col roulé. Ouais, voilà. Il s'est déroulé. C'est mon boy! Le 14! Boy. C'est mon boy! Je me rappelle de l'époque, parce que moi et Dave, on criait le 14 quand on allait à la cage au sport. C'est. Le 14! Au moins 14 ans de ça. Quel est-ce bon joueur! Rendu des fiers services du qui était bon. Jamais rien accompli dans sa carrière. Choquant plein. Fuck off! Il va rester un joueur quelconque au final. C'est ça qui est plein. Avec un col roulé, par exemple. C'est ça qui est plein. C'est juste nous autres qui le acknowledge, dans le fond. Il n'y a pas personne qui se soucie de son col roulé. Non. Tout le monde se souvient de Plekanec. Moi, je l'ai quand même aimé. Tout le monde se souvient de Plekanec. À part qu'il a commencé à chialer sur Piqué et tout. Ça, ça me plaît. Ah, mais Piqué, ça me plaît aussi. De qui tu vas te rappeler, mettons, de ces années-là? Piqué Subban ou Plekanec? Hein? Mettons le recul de. Ah, le gars. Ça te rappelle plus de Subban ou de Plekanec? On va recul de. Ben, attends, quand est-ce qu'on a commencé le podcast? 2011, 2012. Bon, recul d'à peu près genre 7-8 ans. 2010, je vois, dans ce point-là. Okay. Fait recul de 7-8 ans. Ouais. Qui tu vas te rappeler de v'là 7-8 ans? Bergevin. Qui tu te rappelles de v'là 7-8 ans? Price. Alors, on dirait que les noms qui me viennent en tête, c'est plus vieux que ça. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Zetnik, mais ça fait fucking 15 non, ans. Ça, ouais. Ça, c'est plus dans le temps. Quand on a commencé, c'est quand Bergevin est rentré en poste. C'est ça. Ben, un petit peu avant, là. C'était. Ouais. Non, le premier épisode, c'est ben, c'était Bergevin. Avant, on faisait la jasette. Ouais, on parlait de hockey, début, puis ça a devenu un autre podcast. Un autre nom qui me vient en tête, puis je pense que c'était encore avant ça, c'était Kovalev. Parce que, c'est j'ai avant vu, ça, ça. Parce que j'ai vu sur Instagram quand Mike Kovalev, il y avait des colis et Tucker. Quand on a commencé, Mike Camillary, il était là. Il était là. Ben, là, 7-8 ans, tu parles peut-être, genre, les Costitines, genre? Ouais. Mais c'est ça, ouais. Mais de qui tu vas te rappeler? Qui va avoir marqué cette époque-là du Canadien? C'est Carey Price, Subban. Ben, c'est Carey Price, c'est Subban. Weber. Ouais. Mais... Weber, c'est après. Un ouais, peu. Weber, c'est après. Weber, c'est après, ouais. Ben, ouais. Parle de ça. Markov. Markov, ouais, Markov, dirait ça. En attaque, t'aurais appelé Canet. Puis il n'aura pas marqué, là. Qui d'autre? Chucky, ouais. Hey, Chucky, merci. Simonade, ouais. Chucky, ouais. Chucky, ben ouais. Chucky, lol, ouais, c'est ça. Lol en crise. C'est chaud. He was there. Ouais, c'était pas une époque très marquante. Mais pourtant, les saisons là-dedans, tu checks ça, là, puis le Canadien finissait. C'était un cadeau, en plus. Premier dans la ligue. Man, je sais pas pourquoi avec j'ai plein de noms. Qui... Points, j'ai des, genre, j'ai des commissaires, des Michael Ryder, mais tout ça c'était avant. Mais là, c'était l'autre époque. Oui, c'est ça. Mais t'as eu les Camilleri qui ont commencé ça, les Gianta, mettons, là, comme là, ouais. Au début de ça. Là. Après, ouais. après ça, c'est l'entre-deux. Ça, c'est l'après-Coyvou. Ouais. T'as eu comme les Gomez, etc. Ouais. Kamel Harris. Oui, le capitaine ben qui a ça, suivi Koivu, c'est Gomez. Mais non, il est Gomez. Yo, Gomez, t'aimes mieux. C'est-tu Jenta? Je ne me suis pas. Je ne sais pas, mais ça. Mais c'était pas Varjo. Mais là, on est à non. Guys, on oublie plein. Il y avait Brian Jenta. Ouais, on vient de le dire, il y a trois Max Pacioretty. Parce que là, checker sur ouais, Pacio. Ah, check, le check. Ah, mais tu vois, regarde, on s'en rappellera pas. On s'en rappellera pas. Même Max Pacioretty, on l'a même pas nommé. On l'a pas nommé parce que... Ça, c'est en 2013, il y a 10 ans. Ouais, parce que ça, c'est David Desharnais. Ça a été quelqu'un qui a commencé, ça. Lars Eller. Ça a été un capitaine du Canadien. René Bourque. René Bourque. Josh Georges. Il était là 8 games, René Bourque. Brandon Prost, Travis Moen. Prost, c'est vrai. Ben, Prost, en tout cas. Nathan Beaulieu. Moen a rendu des bons services. L'autre, la poche bleue. On là. Avait George c'est Parris. La poche bleue. La tendresse. Puis tendresse. Tender était ça. Ça, c'est. Ouais. Ouais. Fait que non, c'est les meilleurs compteurs. C'était l'époque Koivu, ça. C'est un peu avant. C'était l'époque Koivu. Les meilleurs pointeurs en 2013-2014, c'est Max Pacioretty puis Kay Subban. Ouais, on dirait que c'est ça. Hein. On sait plus où. Mais il a joué avec Koivu. C'est un peu bizarre. La tendresse. Ça s'appelle la vieillesse. Ouais, Koivu et la tendresse ensemble. Ouais. Voilà. On a vu souvent les saisons. J'ai l'air de Plekky. Ah, ben Plekky. Glendo. Tout ça pour dire que. Que Plekky a pris sa retraite. Que Plekky, on s'en souvient plus que Pacioretty. Ouais, c'est vrai. Un autre qui a pris sa retraite, Joe Thornton. Ouais, lui était dû. J'aime plus Plekky, parenthèse. J'aime plus Plekky que Pacioretty. Chris, moi aussi. Ben oui. 100 000 à l'heure. Mange de pain. Pacioretty, j'ai jamais aimé. Plekky était présent à tous les matchs. Bonne chose. Buvait dans ce qu'il regarde mais faire. Pas dans les moments où c'était important. Non, mais il a tout le temps chié dans ses culottes. Toute cette génération-là, man, il était pas comme ça. Il a toujours été mauvais en playoff. Il a toujours dit qu'il jouait comme une fillette, mais il a toujours été fucking métronome. C'est un gars sur qui tu pouvais. En saison, il faisait ce qu'il avait à faire. Voilà. Il était cœur. Mais c'est ça. Mais je vais plus me rappeler de lui que de fucking Pacioretty. Ouais. Parce que Pacioretty, man, ouais. Sérieux. C'était fad, man. Comme puis capitaine, man. Sans saveur, man. Fucking il capitaine. Nous, il ramène à ce que j'ai mangé à soir, t'es meilleur que ça. Non, ouais. C'était des copos soupes. Ouais, des copos soupes. T'as mangé un copos soupes? J'ai mangé un copos soupes. Ben, c'était pas un copos soupes. Mais copos soupes, même pas le petit sachet. Kimchi, Mr. Noodle, kimchi. Moi, j'achète. Mr. Noodle. Ah non, moi, j'achète les paquets. J'ai pas attendu avant qu'ils soient tout ramollis. Je commence à les manger. Bon, coquin. Je prends ça, moi je prends kimchi noodles puis je craque un œuf dedans. Ah, moi ce que je fais, c'est que je me fais cuire de la viande à fondue. Truc de trop pour pas dépenser. On parle de ça genre. C'est un bon sujet. Un jour peut-être. Un autre retraité. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Donc, le bon Zach, Sakation. Ah, il est parti avec sa calvitie. Sa calvitie, puis c'est pas lui qui a foncé dans un arbre. Hein? Qui est plus grande que la nôtre. Sa calvitie et son arme. Gallagher aussi, il s'en vient avec un bon Gallagher, stade. Ouais. Gallagher, il commence Gallagher à avoir est prêt à faire un toc bientôt. Il y a un bon stade olympique. Il y a vraiment un trou. Au Centre Bell, dépendamment de où est-ce que tu es. C'est long un peu, tu sais. Quand tu es au Centre Bell, dépendamment, tu es où dans la foule, genre, quand il y a les spots au début et qu'il n'y a pas son casque, tu peux recevoir genre le flair direct dans les yeux. C'est ébloui. Ça réfléchit. Ça pouvait affecter bien des choses dans ta vie. C'est comme un peu une éclipse, tu regardes ça qu'une boîte avec un trou. C'est pas comme Trump. Regardez pas l'éclipse, Monsieur Trump. Tu risques d'avoir une petite fissure de la cornée. À peine. La cornée va peut-être bu du Lysol pour se guérir de la COVID. Hey, Trump. Trump. Qui a bu du Lysol? Attention. Trump. Entre pas des politiques. Ouais. Du détergent. La politique, c'est pas ça à la glace ni au podcast. Il avait dit si vous buvez du Lysol, c'était pas tout. Du Lysol. Non, il dit injecter la chaude chapelle. Non, il avait dit genre le même produit. Une aberration comme ça. Puis en plus, le pire, c'est que j'exagère pas. C'est là que tu vois Fauci rire en arrière. Fauci, c'est le pire de toute la gang. On rentre pas là-dedans, là. C'est lui qui l'a parti. Pas mal. C'est le pire trou de cul sur la planète Terre. Fauci? Fauci, il y en a une couple. Il se met les bad men. Il y a une bonne liste quand même. Au début, je l'aimais. Mais quand tu lis The Real Anthony Fauci, c'est yeah. Kill a lot of people. Dr. Warren. Yeah, it's like, he's not... C'est pas un petit vieux genre gentil. Y a-tu beaucoup d'Africains avec ses vaccins contre le sida? Là. C'est vraiment pas cool. Revenons au hockey. Ouais, c'est ça. Ah, ben, allons, sujet pour la jasette. C'est ça. On est dû pour une jasette. À un moment donné, ça va être dû, ouais. Le Lightning était 2$ du plafond salarial. 2$. Oui. 2$. Hey, comment tu peux c'est-tu faire bien géré, cette équipe-là? Hein? Hey, le comptable, là. C'est pas. Quart de tour. C'est pas. 2$. C'est pas Pierre-Yves McSwing qui gère ça? Ce joueur-là, en as-tu vraiment besoin? Quand t'es géré, ouais, c'est 2$ de la masse. Hey, 2$. T'es bien donc géré à tabarnak. C'est comme t'es juste sur la coche. Comment tu peux être à 2 fucking piastres? Pas 200. Sur 100 millions. Pas 2000. Des millions. 80 millions. On est à 2$. Fait que ça veut dire que on a un joueur qui a genre est 98. On a un Pepsi de jeu. Juste pour que ça arrive correct. On a un Pepsi de jeu. Là. Puis pas une pièce, 2$. Juste au cas. On s'est gardé du pad. C'est chaud café. Est-ce-tu? Oui. Pourquoi pas? Ben ouais. Tabarnak. On s'est gardé du c'est pad. C'est bien, faut que tu le donnes. Là, les gars, je vous amène à Philly. Pour vous montrer de quoi? Hélé! Toujours très louche, Philly! T'es un beau voyage! Hélé! Philly, en fait. Let's go to Liberty Bell! C'est où que c'est qu'on a mangé à Philly au Burger King? On a mangé à Philly. C'est quoi? Oui, c'est Philly! Philly! C'est où qu'on a mangé à Philly? On a je mangé... sais, non, toi, vous autres, c'est arrivé préparer le thé. Puis moi, puis Jeff, on était marché dans le petit ghetto, man. Où est-ce qu'il y a la pizza pour le pays francophone, c'est-tu là? C'est, non, la pizza, ça je m'en rappelle. Ouais. C'est où ce que le gars, il se disait qu'un genre. Mais on mangeait pour qu'il répète. Son frère s'était fait jumper dans son appart, puis qu'il est sorti des gars. Yeah. Ça c'est au resto. Ça, c'est la pizza soup. Ah, mais ça, c'était après. Ça, c'est la pizza soup. Avant le show, on t'allait manger tout, mais moi, je pense que c'était la plus grasse de toute la vie que j'ai mangé. Comme en dessous de l'autoroute. Ouais, ouais, quartier en dessous d'une autoroute à Philly, man. Ok, excusez-moi. Hey, hein, pourquoi? Comment qu'on. Tu te ramasses pas là dans la vie quand t'es un touriste? Dans nous autres? Non. Oui. Ouais, on est allé manger une pizza là, en dessous d'une autoroute. Parce que c'est Philly. Ça, c'est nous autres. Ça. C'était dégueulasse. Que c'était crado sur le coin d'un. Mais là, on va aller avec. Dégueulasse. C'était de la soupe, cette pizza-là. Était tellement grasse, man. Elle se mangeait à cuillère, man. Bon, man. Ah non, elle était dégueulasse. Elle se tenait pas. Je m'en rappelle vraiment pas. Flyers. Flatterfly. OK. Tout est mouillé. C'est quoi ta nouvelle des Flyers? C'est pas une nouvelle, en fait. C'est quelque chose avec Greedy que je vais vous montrer. Il y a comme un emotional support alligator dans la foule. Genre, je comprends pas. Il y a un alligator de support émotionnel. Golly, ça arrête pas, cette ville de fou. T'sais, déjà que t'as Greedy, genre, qui est une aberration, qui est là. De quoi il y a un alligator? Un alligator? Dans ses mains, il y a un alligator, genre, de support émotif. Je le voyais pas. It's his emotional support animal. Tu sais, comme t'as un chien, des fois, tu peux te promener avec pour support émotionnel. Mais là, c'est un alligator, là. Tu fais trimballer comme mon esti, je vois. Oh, oui, oui, oui. C'est un vrai, là. Mais oui, c'est un vrai, ça. C'est ça. Attends. C'est autant de Gaffy, là. Gaffy qui miaule puis qui perd son poil en arrière. C'est les pays fans de la ligue. Les pays fans Philly, de tous les sports. C'est les pays points. Vraiment, c'est un Boston. Ah non, Philly, c'est. Non, les Eagles, les fans des Eagles, les fans des 76ers, les fans des Phillies, man. Les fans de, après ça, des Flyers, man. Mon gars, il y a un ballon des 76ers, un ballon de basket. Ils sont fous. Il est beau. Yam yam, il y a le logo yam, de 76ers. Ouais, c'est cool, classique. C'est classique. Ouais. On va refaire. J'avais changé. C'est-tu le propriétaire qui était raciste? Ouais, je pense que le vieux propriétaire qui était raciste qui dit: You can hang out with them, you can be friends with them, but don't post it on Instagram. Il dit ça. Si tu peux donner avec des noirs, mais t'as pas le droit de le poster. Ben, ouais, non, c'est vrai. Oh, ouais. Puis le gars, il y a un club de basket. Ouais, ouais, oh, man, c'est vrai qu'il est out. On s'entend qu'un club de basket. Le gars, il a 80 ans. Puis ça, c'est Bill Burr qui a dit ça, c'est pas moi. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Là, le gars a 80 ans. Il a grandi. À il est né en 1924, man. Lui, il a écouté le baseball de tous les gars qui étaient juste des gars blancs. Ouais, ouais. Au moins il était correct. You can hang out with them. You can play. You can, don't post it on Instagram. C'est juste ça. Ça, c'est grave. Tu peux pas que tu mettes sur Instagram. Tu peux aller sur Facebook. Tu peux aller. Ben, pas Instagram. C'est l'époque que tu es ami avec eux. C'est ça. Don't show it too much. Mais t'as le droit. Fait que tu sais, pour un gars qui a 80 coquins, c'est quand même correct. Ouais, c'est si tu prends toute l'histoire dans laquelle il a grandi. C'est maladroit, mais je comprends tu comprends l'époque que lui a grandi. Époque, là, c'est. C'est comme ton vieil oncle. Il est quand même dit sous à Noël qui sort le N-word. Dans les années 60, ce gars-là, c'était un hippie. Mallette? Parce qu'à la base, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister, dans le fond. C'est ça. Mais lui, il a grandi là-dedans. C'est pas changé, tu comprends. Non, c'est des parenthèses. C'est des longues parenthèses. Des hosties de longues parenthèses. Bienvenue à. Monsieur Cousteau. Non, c'est Monseigneur Cousteau. C'est l'excellent Alex Neveu de Rétro Nouveau qui nous fournit en chip à Rétro Nouveau. Bonsoir. Monseigneur Neveu, donc, qui vient nous voir ici comme ça. Hey, on repasse par le CH, mais par Vegas, Céline, qui a descendu de son trône, est venue nous rendre visite, en fait, à Martin. T'as-tu des photos de ça? J'ai une vidéo de ça. Mon check les petits jumeaux. Ça fait tellement plaisir. J'adore ça. J'aime ça. Félicitations pour tous vos accomplissements. Merci. Une soirée extraordinaire. Moi, je me souviens, j'avais 14 ans quand j'ai chanté pour le pape de Colombe. J'avais 14 ans quand t'as chanté. La grosse poignée de main comme de boys là, de Céline. Là, let's go. Même grandeur que Martin Saint-Louis. Ben, ses fils, ils ont vraiment... C'est un peu comme... Je sais pas, là, je m'attendais à mieux que ça. C'est deux jumeaux de l'émoustache molle. Ouais. Puis René Charles. Ouais, genre. On est beau, hein. Il demande les gars la connaître. Ils ont l'air mou en tabarnak. Ben, oui, Céline est international. Penses-tu qu'il y a ouais, elle connaît un peu. Je pense que oui. Je pense que Céline, tu sais, leurs parents, ils doivent savoir c'est qui Céline. Fait que, mais peut-être pas Nick, parce qu'il présente Nick Suzuki. C'est comme. Yeah. Ben, oh, mais c'est Céline, on peut pas croire que même. Céline Dion, Céline Dion. Ils ont tous vu Titanic. C'est moi la connaître. On s'entend-tu, là, Céline Dion, là? Eh. Ses parents connaissent Céline Dion. Eh oui. Ils en ont sûrement déjà écouté. Non, mais tu vas n'importe où dans le monde et tu dis Céline Dion. C'est sûr et certain. Hey man, j'étais au Vietnam, dans l'autobus, il y avait du Céline Dion. Nice. Céline Dion, c'est sans fucking joke, là. Mondial. Là. C'est un phénomène mondial. Fait pas mal sûr que Nick Suzuki, c'est Céline. Céline Dion, c'est Michael Jackson, mais genre, ouais. C'est le même niveau. Là. J'ai plein de commentaires déplacés. Je vais les garder pour moi. D'accord. Toujours pas de contrat pour le bon Phil Kessel. Il y en a une qui aime les vieux, puis il y en a un qui aime les jeunes. Un peu pareil. Ça se balance. Il s'en joint dans le milieu. Avec Phil Casson, on n'a pas de contrat. Non, avec sa couille. Attends. Attends que sa couille tout seul. Il attend pas de contrat. T'as-tu vu son salon? C'est juste un divan avec une grosse TV. Il est assis là avec sa couille. Hein? Casson? C'est une pièce vide avec un lazy boy et une grosse TV, man. Il est là puis il attend. Avec sa couille. Il attend son contrat. Dans un bol. Dans un pot de formol. Il la brosse un peu, il regarde dans la lumière. Son cinéma maison, ouais, qu'on est dans le chat. Effectivement, c'est de toute beauté. Gros cinéma maison, mais il y a une chaise. Kessel, il y a deux modes. Genre, mode cinéma maison ou mode dans une affaire, genre que le coup sort et tu vas s'échauffer. Y a-tu un toaster à hot dog à côté? Là, c'est sûr. Toaster à hot dog. Là, c'est sûr. Juste tes pains de saucisse. Deux trous de la saucisse. Ah, that's American dream. Hey man, ça là, c'est parfait. Écoutez, le rêve. Le rêve. Bon, on a... Tu fais juste ça, tu fais des hot dogs. Guissé un mot tantôt, il y a un joueur qui est décédé en Europe. Là, non, je ne le montrerai pas, je ne l'ai même pas écouté en fait. Adam Johnson qui s'est fait ouvrir la gorge. Ouvrir la gorge puis qui est décédé en fait. Ça, c'est puis, fucked up. C'est fucked up, puis je ne veux pas embarquer dans les théories de genre de complot parce qu'il y a des enquêtes weird là, qui se passent en ce moment, là, mais. Gretzky a donné son opinion sur le port du cache-cou. Du cache-cou, on va écouter qu'est-ce que Gretzky a dit. Je trouve ça intéressant. He'd come in, he'd be out on the ice without a visor on. I'd say, what are you doing? And he'd say, well, I want to make this team. No. You grew up your whole life with a visor on. Keep your visor on. And so here we are now. All these kids grew up, especially in Canada, wearing the neck guards. Why take it off? Keep the neck guards on. And I'm sure the Players Association and the commissioner's office, they're going to grandfather this in, and eventually we're going to see all kids coming into the league wearing neck guards to protect themselves. And the other side of it is, and I've said this for a long time, I can't tell you how many times I've sent jerseys to people who play university hockey, who've been accidentally hit from behind and are paralyzed. And so I always said, you know, you can play the game hard, And you can play it smart. It doesn't have to be body checking in every league. Let's be honest. Those kids playing in England are not going to play in the National Hockey League. Kids in university hockey in Canada, they're probably not going to play in the National Hockey League. So I think those are things we got to address all the way back to the grassroots of our game. And I'm sure you guys agree with what I'm saying. Écoute, ça me fait penser là, que... Moi, ouais, c'est pas d'accord. Mais... Ben non, non, mais je veux dire, ben, mettons pas de body checking, mais à partir de où? Parce que eux autres, ils vont aller dans la Ligue nationale, il faut qu'ils sachent comment faire du body checking. Je comprends ce que tu dis, OK, mais tu sais... Le problème, en fait, là, c'est que, puis je le vis, là, parce que, tu sais, Raph, il joue au hockey. Okay. Puis, ce qui est fucké, là, c'est que ça commence quand même jeune, les parents qui sont intenses, puis qu'il y a comme une... Mais c'est trop le problème, ça, les parents, par exemple. Il y a beaucoup d'influences comme externes, puis c'est malade à quel point tu te rends compte que c'est comme maladif, puis c'est comme un peu dégueulasse. Yeah. À quel point, genre, ça va loin. Ouais, non, les parents, c'est... Ça part de très loin, puis ça part souvent de ton entourage, non, ouais, ça part de là. C'est tes parents, man. Ben, c'est ça. Puis ce qu'il dit à un moment donné, là, c'est ça, c'est ton enfant, là, il va pas jouer dans les nationales, parce qu'il y en a 700 dans le monde entier au complet! Oui, mais lui, il parle mettons, dans la Ligue au UK. 700! Ça veut dire qu'au Québec, on va dire juste au Québec, c'est... Un max par année. Non, non, il y en a plus que ça. Mais non, mais fais une moyenne. Non, non, je sais. Tu comprends-tu? Mais OK, mais lui dit, il dit dans les ligues universitaires canadiennes. Il dit dans les ligues universitaires canadiennes. C'est pas beaucoup. On s'entend qu'eux autres, ils joueront pas dans les nationales. Le pourcentage est faible. Je sais. Mais lui, il dit, OK, dans la ligue universitaire canadienne, eux autres, ils n'auront pas beaucoup de chances de jouer dans la NHL. Fait qu'on ne devrait pas permettre le body checking. Fait que dans le junior majeur, tu as le droit. Dans le midget 3, tu as le droit, mais pas dans le midget, par exemple, double lettre. Ou dans le midget B, tu n'auras pas le droit. Après ça, dans le pee-wee, mais c'est où tu décides que tu as le droit. Puis le joueur, il ne peut jamais. Non, mais je pense que le body checking fait partie du jeu. Oui, mais la culture est bien différente. Tu regardes, mettons, les games de LHJMQ versus des games des autres ligues en Europe. Il y a beaucoup moins de hits qui sont dangereux en Europe qu'ici parce que la culture est différente. Ouais. Fait que le propos de Gretzky, il y a sa place là, parce que les hits, ça fait partie du jeu, mais ça fait pas partie intégrale du jeu. Oui, mais... Qui a inventé l'or. Ouais, OK. Je sais. Nous autres, on se fesse dessus, tabarnak. On n'est pas des féfés. Qu'est-ce que les Européens tapettent? On se fait couper en gaz. Bon, on se fait canceller. Bip! Tu le mettras en bonne place, le bip. Non, pas de bip. Mais le... C'est raw. Mais le fait... bon pour moi, les je suis à cheval entre pour les deux, le checking je dirais pas que j'enlèverais ça au total, tu sais, j'enlève pas ça, mais je suis d'accord que la game peut se jouer sans des hits violents. Mais tout ça pour dire ça part du protège-coup, puis tu sais, mon gars, puis le protège-coup là, il joue avec le protège-coup, le protège-coup, c'est mon prochain call de Nostradamus là. Fuck. Ça va rentrer, dans la ligue. Mais ça c'est vrai, ils ont joué avec ça toute leur vie. Fuck you, t'as pas besoin de l'enlever. Ils ont ça à genre 4 ans. Oui. Mais on joue avec ça toute leur vie. Non, mais tire, Dave, recule. Pour vrai, là, c'est juste le temps en ce moment pour que quelqu'un invente un hostie de protège-coup. Sacoche que tu vas fucking bien protéger puis qu'il va être genre super confortable. Il fait là, ça va faire sa place. Ouais, là, ça va être réglé. Puis, là, on n'en parlera plus. Non, mais puis encore là, tu sais, mettons. Exactement. C'est là que je m'en veux. Il y a 10 ans, là, il y avait pas mal moins de joueurs. Là, à ce temps, il y a quoi? Un joueur ou deux qui l'ont pu. Là, c'est rendu comme. Il n'y a plus personne qui n'a pas la visière. C'est rendu comme. T'as pas la visière, t'as l'air d'un crise d'épée. T'as même plus le droit d'enlever ton casque, te battre. Parce qu'au gars, tu tombes sur la glace. Puis les goalers, dans le temps, il n'y avait pas de masque. Oh, mais guys, ben, on évolue. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, ça, c'est ça. C'est juste l'évolution. On évolue. T'es juste plus intelligent. Ah, je peux me faire ouvrir la gorge au hockey. Ah, j'ai peut-être porté quelque chose. Ben, OK, fait que les hits, OK, le body checking fait partie du hockey pour séparer le joueur de la rondelle. On s'entend que c'est ça le but. Ouais. Mais non, le gars qui rentre le gars en arrière, man, puis qu'il cross check dans le dos, puis tu sais, juste pour y faire mal, que tu vois que c'est vraiment fait pour ça. Là. Souvent, tu vois que des hits, c'est juste pour faire le hit. Mais ça, là, OK, on fait une pénalité. Mais dans ce temps-là, tu pénalises comme au football. Ça veut dire que tu sais que là. Mais c'est ça le problème, parce que si tu pénalises comme au football, que. tu l'as fait de l'impression, t'es pénalisé. Il y aurait 5 joueurs sur le banc des pénalités, 0 de leur bord, man. C'est dans le fond, là, okay, c'est ça, faut que tu fasses pour que ça soit respecté. Toi, Alex. Ça, après là, ça, t'aurais toi. Bien moins de blessures. Le problème au hockey, c'est pas les checks. C'est ça, man. C'est l'arbitrage. C'est les checks qui sont pas fair, qui sont puis ils sont pas pénalisés. Mais il c'est ça, c'est il y a trop de permissions. C'est ça, le mais ouais, le gars, il dit un côté physique au hockey, c'est correct. Ça prend ça. Je veux pas que ça devienne un style du patinage artistique. Parce que dès que t'en laisses un peu plus, ils en prennent un peu plus, puis ils en prennent un peu plus jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui passe blessé. Quand tu ramasses un gars dans le dos, je veux dire, il devrait pas avoir d'équivoque. C'est pas comme pénalité. Ouais, mais là, il s'est tourné. Non, pénalité. C'est pas de ta faute. C'est comme même au football qu'il rentre le quarterback après qu'il a lancé le ballon. Mais man, c'est dur ça à timer. Pénalité. Tu l'as frappé après qu'il a release de ball. Ça finit là, man. Les... Le gros, il a beau chioler et tout, man. C'est arrête, non, moi, ce qui me fait capoter, là, on a, il y a des pénalités. Il y a des deux minutes pour boarding. Oui, puis je ne l'utilise jamais. Un 2 minutes boarding ou un 2 minutes hitting from behind. Mais ça arrive, puis t'es comme... Mais ça, c'est des pénalités majeures, là. Dans le trois quarts du temps. Behind, ça devrait être un... Hitting from behind, puis boarding, ça devrait être... T'en as un boarding majeur. T'as un boarding mineur, un boarding majeur. Mais souvent, mais si... C'est jamais donné. Mais si tu fais du boarding, si le gars est magané à terre. C'est jamais donné. Si le gars est blessé vraiment, là, c'est 5 minutes. S'il a perdu une dent, c'est 5 minutes. S'il est un peu de crush, c'est 2 minutes. C'est toute l'impétuation, puis après ça, il y a le balance. Mais ça devrait être ça. Boarding, 5 minutes. Dans la Ligue nationale, tu as un ice taking. D'en face, si tu saignes, c'est 4 minutes. C'est-tu fucking cave, man? 4 minutes. Ah, c'est cave. Man, tu te mords la lèvre, t'es correct. That's fucked up. Mais ça, c'est un règlement fucked up de notre sport. Oh, tu saignes? OK, 4 minutes. Tu saignes pas? 2 minutes. C'est juste éronflé, 2 minutes. C'est quand même un bâton à la face. Ouais, mais ma dent a chippé. Ouais, mais elle saigne pas ta dent. Ouais, mais j'ai perdu 4 dents. J'ai perdu 4 dents, mais tu saignes pas parce qu'ils sont juste cassés à moitié. Mais tu sais, pour dire, moi, je vais revenir sur le... Moi, je vais revenir sur le dos qui est décédé. Là. Adam Johnson. Le hit, moi, je l'ai vu. Là. C'est fucking weird. C'est pas volontaire. Comment ça s'est passé? C'est pas volontaire. Non, je pense... Moi, je suis pas prêt à dire que c'est volontaire. Ben, tu l'as-tu vu? Le coup de patin? J'ai vu. Je pense pas que je veux plus l'avoir, je l'ai vu. Là. Mais je pense, pas que c'est volontaire, mais c'est drôle comment il a revolé. Tu sais, c'est comme si elle est, comme si j'allais te geler, puis qu'Alex... Il se met devant moi en interférence. Je pogne Alex, puis je fais genre une toupie. Là. Je fais une ballerine, puis mon pied, il est dans les airs, puis je te pogne dans la gorge. Tu sais. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait que c'est bizarre que comme ton pied il soit aussi haut. En même temps, je peux pas croire qu'il a fait ça par exprès. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont ouvert une enquête. C'est très, très dur à on dit dans le chat que c'est un coup de karaté à la gorge. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais, on voit une petite partie. C'est un gars qui se rappelle à perte d'équilibre parce qu'il s'est vite frappé. Ouais. Sa jambe à part. Pour de vrai, je suis pas prêt à juger. Non, mais non plus. Jamais que ça va passer dans une course. C'est très dur à timer. Non, non, dans une course. Non, le timing soit parfait avec deux personnes qui vous. Trois personnes. Parce que c'est trois personnes impliquées. S'il y a trop d'impact impliqué avant que ça se passe. Non, mais c'est vraiment comme. Moi, je pensais voir le gars. Interférence, il tourne. Sa jambe à l'aise. Moi, j'ai vu ça que le gars, il était volontaire. Il kicked him on his skate. Moi, je m'attendais à voir un gars à terre puis que le gars frappait avec son patin. Comme Happy Gilmore qui enlève son patin pour frapper un joueur. Moi, au début, j'ai juste vu le commentaire. Ce gars-là, il s'est fait frapper volontaire. Je disais, le gars, il est tombé à terre puis il a crissé un coup de patin sur la gorge. Non, non. Parce que je vois ça, je disais, non. Il s'est fait frapper. Oui, c'est vrai que sa jambe a part weird. Mais en même temps, le gars, il est en perte d'équilibre puis il patine. Je suis pas prêt à lui donner. Je peux pas. Je peux pas prouver ça bien, tu sais, comme c'est quoi? Non, non, mais ben mon doute raisonnable. Ben non, mon oubli. Mais est-ce qu'il y a. Mais ça reste que. Mais ça se peut que. Tu peux amplifier ton mouvement dans l'élan. Oui, je comprends, mais est-ce que c'est volontairement pour ouvrir la gueule? Non, il voulait peut-être crisser un coup de patin dans le ventre, là, tu sais, genre un coup de pied dans le ventre, tu sais. Ou tomber plus de façon plus grandiose pour une pénalité. Ouais, il y avait tout ça là-dedans. C'est quoi la raison? Non, non, il y avait clairement pas intention. Bref, des neck guards, là. Bref, ouais. Genre, je me fais ramasser sur le side, j'y ouvre la gorge, j'ai fini à soir. Non, non, non. Bref, neck guard. Ouais, bref, on protège. Ouais. Pourquoi pas? Yourself at all time. Deux mini-affaires qui restent pour terminer le podcast, messieurs. Cale Makar est devenu le défenseur atteint le plus rapidement le plateau des 250 points en carrière, devançant Bobby Orr. Oh! Enfin, une stat qui a de l'allure. Ouais. Pas les 248 points en le moins. Bobby Orr l'avait fait en 180 matchs. Ouais, Bobby Orr l'avait fait en 247 matchs, 250 points, et Cale Makar, 241 matchs. Oh! Mais combien, il est un petit peu. Combien l'autre 2,47. 6 matchs de différence. Makar est un petit peu plus vieux, par contre. On verra si la progression suivra. Puis il se bat moins. Voilà, puis il se bat moins. Un petit peu. Et voilà. Un peu, oui. Puis pour. C'est normal que les records sont faits pour être brisés. Pour terminer le podcast, messieurs, pas de call-out vu que Mallette n'est pas là, mais j'avais un petit bonbon pour vous autres. Connaissez-vous Mick Vukuta? Ancien joueur du Canadien en 97-98, tu as joué genre 22 matchs. Là, t'as un gars de trio C, D, E dans le. Il a joué 22 matchs avec le Canadien. Fait que le Max Pacioretty de ces années-là, quoi. Genre, il a aussi joué avec le Lightning puis les Islanders. En tout cas, c'est pas bien important. Début de carrière, ce gars-là est à New York et son coloc devient Marc Bergevin. Et cette semaine, il était sur un podcast, lui en fait, qui s'appelle Spitting Chicklets de Barstool, donc Barstool Sports, là, qui est un truc de sport là, qui ont. Comme nous autres, nous émite. Non, c'est pas le plus gros que nous autres Barstool, je me dis. Ils sont inspirés de nous autres. Ils sont inspirés de nous autres, C'est en anglais, mais je propose qu'on écoute l'anecdote sur Marc Bergevin ici. Your roommate's with Bergevin. Oh, we call him the Bergevin on this show. Oh my God, you. Oh my God. Marc Bergevin? Yeah. Berge got traded in and I had an extra bedroom in a condo and I was like, you want to be my roommate? And he goes, yeah. And I had this girl that I met that summer at this like booze fest in Penticton. And then when Bass got traded, I was by myself. I was lonely. So I was like, yeah, come live with me. So I had a girl. He goes, buddy. I don't think it's going to work out. And I go, what? I thought you and I getting along great. He goes, you and I? No problem. The girl, she got to go. I'm not lying. I came home after practice and booked her a flight. She was on a 4 o'clock flight out of LaGuardia. I've never spoken to her since. On waivers. Never spoken to her since. Oh, no. Awful. And Burge is just she's like. Cooking dinner. He would have the most beautiful girls come and stay. And I'd be out watching TV, like Sports Center or whatever. And the girl would come out of the bedroom, walk around the living room. Do a lap, and go back in the bedroom. And in the morning, he goes, you enjoy the victory lap? That's my GM. That's Bergie. He's sending her out, her cheeks would be all red. And she'd stop and smile. He goes, I always send them to give you the victory lap, buddy. But he's the best. He's the best. Un cochon très généreux. Avec, en plus, il dit que les cheeks sont red, fait que ça veut dire est-ce qu'il slap. Ça plaît sur le cul. Il leur donnait la fessée. Le bon Marc. Avec ses pipes, tu. Directeur général. Oui, ma belle. Le directeur général. Directeur général d'excellence ici. Ah, c'est merveilleux. Je trouve c'est trop drôle pour ne pas vous le présenter. Donc voilà, c'est remplacer le call-out avec un peu d'humour. Nice. Voilà. C'est merveilleux. Don Juan Bergy, that's right. Don Juan Bergy, ouais. Fait que ça fait le tour du podcast pour ce mois-ci, en fait. Ah ouais. Donc, prochain podcast, c'est du 15 décembre, parce que le premier, ça tombait sur mon party de Noël. C'est mon party de Noël. Le premier, ça tombait sur le mien, fait que c'est ça. Donc, on te remplacera par quelqu'un du club école, au pire, si on a besoin. Là. Ouais. On a des réservistes qui attendent. On va mettre chaud, mais ailleurs. Des gars qui sont sur des bonnes chaises qui attendent. Là, de bonne éthique de travail et tout. Là. Ça se ferait plus au grand club. Ben ouais. Sinon, comme on avait dit au début tantôt, si vous voulez nous encourager, patreon.com/youngmedia, si on est sur Facebook, Soirée du podcast, sur X. Soirée du podcast aussi, puis on est sur Threads maintenant. Threads. J'ai débarré ça. On est partout. C'est encore du monde, ce Threads? Je sais pas. On est sur. Moi, je vois juste du stress dans mon feed Instagram. Ouais, ben ça. Je sens encore. On est sur Instagram aussi, LSDP_podcast. Yes. Donc, voilà. Suivez-nous et on repart pour un autre mois et demi de hockey puis on va bien faire un résumé. C'est hot que X c'est encore genre twitter.com. Ouais, c'est tout merveilleux et très bien réfléchi cette affaire là. Parce que tu sais genre tu peux pas avoir un nom de domaine à un caractère. Qui donne ses infos de nom de domaine là. Non mais c'est vrai, tu peux pas. Je avoir, sais. Tu peux pas avoir ça a besoin d'un nom de domaine. Tu peux pas avoir un nom de domaine. X.com. On n'est pas commandité. Tu peux pas. Tu peux pas avoir X.com, ça existe pas, c'est deux minimum. Ça, ah ouais? Ça, c'est des domaines spéciaux. Puis là, c'est comme, lui, il a pris X. dans le chat, il y a... Fait qu'il va appeler ça comme X social media. XXX. Ouais. On demande si je dors la nuit parce que quand la catégorie des médias sociaux... Moi, j'ai des tables, puis je fais comme copier-coller, puis j'envoie tout, puis je sais tout d'une shot, puis je fais pas à mesure. Je suis productif. Je dors parce que je suis organisé. Voilà. Je n'ai plus à gérer en même temps. Tu le mets sur Truth aussi Sur Truth, ouais. On est sur Truth Social. On est sur Truth Social, on est là. Sur Stormfront. Ouais. C'est-tu l'affaire de Trump? Avec des casquettes MAGA. Asti. J'ai une casquette, man. Moi, tout, j'aimerais ça. Envoyez des dons pour LSDP, là, puis, ben, des dons, des Patreons, puis on va faire tirer une casquette MAGA. Oh, tout signé par nous autres. Donald Trump. Par Donald Trump, lui. Ça va être signé par Trump. Ah, fait que ça fait le tour du podcast pour ce mois-ci. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao. Peace out.